C'est fou. 89.1. Visitez cifou.ca. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. Jimmy Thibodeau nous racontera une histoire qui passe sous le radar dans C'est dans le monde que ça se passe. Et Gabriel Béhoud nous fera un compte-rendu d'impro en allant dans les coulisses de la huître. Assemblage Reiki commence tout de suite. Assemblage Reiki. Pour toi aujourd'hui. Assemblage Reiki. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage Reiki. Pour toi aujourd'hui. Assemblage Reiki. Bonjour et bienvenue à l'Assemblage Reiki en ce mardi 2 février 2016, 84 jours avant la fin de l'année scolaire 2015-2016. Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Absolument. Absolument en forme, ça. Oui, oui, oui, oui, oui. Oh que oui. Oh que oui. Aujourd'hui, les trottoirs sont secs. Ils sont secs et il fait très beau. Il fait très beau, on est bien. C'est vrai. C'est le début de l'été. Par contre, il fait froid, hein? Ça pogne dans le fond des eaux. Sur le coin des joues. C'est ça, ouais, exactement. C'est comme un bonbon surette de la météo. Mais il fait très beau, alors on ne va pas s'en plaindre. On n'a pas eu une grosse... Ben, on croise les doigts, on touche du bois. C'est ça, parle mais pour l'instant. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu un gros hiver dégueu, hein? C'est vrai, ça. C'est vrai. Faut le dire. Ou comme disent les Québécois, hiver dégueu. Oui, c'est ça. Ah, bref, c'est sur notre chanson thème de Vanessa Parietta, remaniée par les risques du plasmique, qu'on débute l'émission d'aujourd'hui. Parlons du plan de notre émission. On a Jimmy Thibodeau à 8h avec sa chronique C'est dans le monde que ça se passe. Il parle d'actualité qui passe sous le radar, c'est-à-dire des nouvelles qu'on n'entend pas nécessairement parler de partout. Il n'y aura pas de grosses controverses comme hier matin pour ceux qui étaient là. Ah oui. À 8h30, Gabriel Béhoud va être là pour Dans les coulisses de la huître. On va parler de 3 matchs qui ont eu lieu depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Il y a eu donc le match en direct du 10-12 pour le carnaval. Il y a eu un match à Schwerin. C'est vrai? Contre le Mythe, et il y a eu un match hier soir entre les Bleus et les Verts à la Chasse-Galerie. Donc, un gros résumé de tout ça. Évidemment, on va avoir notre reporter sur le terrain qui va nous en parler aussi. Donc, ça, c'est à 8h30. Ta chronique Tania is gonna entertain you. Que contient-elle aujourd'hui? Je vous parle d'anatomie ce matin. D'anatomie? Ouais. Pas de Dr. Gray toujours. Pas de Dr. Gray, malheureusement. McDreamy. Ouais. Il s'appelle en français McDreamy. C'est. Dr. McDamour de je sais pas quoi. Ouais. Je me souviens plus. Oh, j'ai écouté en anglais. Quelque chose de nul. Bref. Ouais. Mais non, je vais vous parler d'un petit organe qu'on sous-estime. Tiens, disons, c'est comme ça. Ouais. Donc, on se sent bien. C'est la fin de l'émission, probablement vers la fin. Allons, dans quelques instants, on va parler de publicité dans le bloc pub. Mais avant ça, écoutons Émile Néligan, Diane Zidane. Ah oui, oui, oui, oui. Oh oui. Ça serait quand même pas pire que la lumière de la dans un vieux vieux. On traîne tard dans la rue, il nous pardonnerait sûrement. Si tu me laisses prendre un morceau de toi, je vais te laisser prendre un morceau de moi. Et rejoins-moi tard ce soir. Ce soir, quand la nuit sera noire à la statue des mille méligas. Et rejoins-moi tard ce soir, quand la nuit sera noire à la statue des mille méligas. Et la pièce est mille l'élégant à assemblage requis. Tania, quand tu prends ton smoothie avec ta paille, t'as l'air d'être comme en selfie constant. Genre. Pour vrai? En mode selfie constant. La façon dont tu bois ton smoothie, c'est comme... Mais là, je suis en train de vérifier en fait mes sources puis tout ça pour ma chronique. Ouais. Donc là, je suis vraiment concentrée. Puis maintenant que tu le dis, t'as peut-être raison. T'es vraiment comme s'il y avait un appareil photo sur toi en permanence. C'est drôle. Quelle sorte de jus est ton smoothie? C'est un smoothie fait maison, en fait. Je l'ai fait hier, je l'ai congelé, je l'ai décongelé pendant la nuit. Puis ce sont que des fruits frais. Il y a du concombre dedans et un petit peu de lait et de l'eau. Incroyable. C'est super bon. Je mettrai la recette sur Assemblage Requis. Oui, s'il te plaît. Mais, cela étant dit, tu n'as mentionné aucun nom de produit, fait que je peux difficilement faire un lien vers la chronique, le bloc pub. Venez au bon marché. Oui, papa. Tout le monde aime. Je préfère le goût de... On est rendu qu'on connaît par cœur les publicités de cette intro-là. Donc, bienvenue dans le bloc pub. C'est la chronique où on parle de marketing et d'idées qui font vendre des produits, pas nécessairement tout le temps des vidéos virales ou des publicités pour le Super Bowl. On y va un petit peu plus alternatif que ça. Commençons par Dan Tsubos qui dévoile une vidéo mettant en valeur la traction intégrale des voitures Lexus ainsi qu'un service au volant haut de gamme imaginé pour l'occasion. Tenu sur le flanc du massif de Charlevoix à plus de 800 mètres d'altitude, l'opération comportait un parcours sur neige mêlant glace et neige fondante. À son entrée, les participants se voyaient proposer un menu et choisissaient alors leur repas. Une fois la commande passée, chacun traversait le parcours semé d'embûches avant de récupérer son plat à l'arrivée. Ainsi, Lexus souhaitait démontrer la capacité de ses voitures à traction intégrale à dompter les situations difficiles. Évidemment, la première chose que je remarque quand je regarde la vidéo, c'est que le camion, la minivan, n'a pas de plaque en arrière. Hey, c'est vrai. Donc, j'imagine qu'ils auront peut-être dit qu'il allait avoir un petit quelque chose filmé. Ouais, ouais, ouais. Donc, Lexus présente All-Wheel Drive-Through, le service au volant avec 4 roues motrices. On voit un camion avancer sur une route hivernale. Lexus EWD handles winter install, gère l'hiver avec style et mode. Hein? On dirait vraiment que ça a été tourné dans les Laurentides. Ouais, ben c'est Charlevoix. Charlevoix, ouais. C'est dans les... Non, c'est dans le coin de Québec. Ah ouais, je l'ai dit. Donc, on voit une charrue qui vient enlever de la neige. Et on a élevé un restaurant dans une montagne à 2644 pieds d'altitude. Donc le menu, c'est un menu avec une personne. Donc on leur montre une carte avec la table d'hôte, par exemple. Les gens peuvent sélectionner, pointe le menu. Et le gars leur dit « C'est par là-bas! » Et là, ils font un paquet de manœuvres, s'amusent bien gros, sont tellement excités. « Oh oui, que c'est donc le fun! » Tu sais, ils sont payés pour le faire, mais tu sais, c'est le fun. Oh mon Dieu, que ça doit être plaisant! Donc, le menu est en train d'être préparé avec des tranches de fromage, des légumes, des côtes, les voitures prennent presque leur envol dans les airs. On fait aller la neige derrière les roues, tu sais, genre. Bref, ça a l'air d'être un menu complètement normal, un sandwich. Ouais, un mini sandwich. Basic, là, le gars est vraiment plate d'avoir choisi un sandwich plate de même. Bref, on a compris l'idée. Les images sont vraiment belles, par contre. Ben, c'est bien filmé. Pour ceux qui peuvent aller voir sur assemblagerequis.com, il y a une poutine. Ah, ben oui. Et un burger. Tout ça est enveloppé dans une boîte et on arrive au service à l'auto. Dans un petit sac, on leur donne leur menu avec un café, peut-être, pour certains, ou une liqueur. Et on s'en va. Et qu'on est donc heureux d'avoir une Lexus. Et dans le petit sac, le jouet, comme dans un joyeux festin, c'est C'est une petite voiture Lexus, hein? Mm-hmm. Donc, hashtag Lexus AWD a through. Hein? C'est bien fait. Ouais, j'ai bien aimé la publicité. C'était une belle publicité quand même. C'est bon. Donc, Amazing in Motion est leur slogan. Donc, incroyable en mouvement. Hein, c'est, voilà. Ensuite, Pokémon s'invite. On a dit qu'on ne parlerait pas tantôt du Super Bowl, qu'on n'en parlerait pas tant que ça. Mais une chose qui m'a intéressé du Super Bowl, c'est la publicité de Pokémon. Okay. Pour son 20e anniversaire, Pokémon s'offre le Super Bowl avec une publicité remplie de références. Le message d'une minute 10 secondes sera en ondes dans sa version 30 secondes lors du prochain Super Bowl le 7 février, réalisé en collaboration avec l'agence Omelette de Los Angeles sous la signature Train On, donc continuer l'entraînement si on veut. La publicité inspire au dépassement et à la persévérance en retraçant le parcours de plusieurs jeunes. La vidéo est également truffée de références aux célèbres jeux que les fans découvrent peu à peu. On notera par exemple la phrase « Like no one ever was », que personne n'a jamais été. Ça fait partie des paroles génériques. Là, je pourrais pas vous dire quelle phrase en français c'est dans la chanson. Le Pokémon Nidoking en pièce d'échec ou encore le badge feu sur les casques de l'équipe de football. Première participation au Super Bowl pour la franchise, ce qui marque le début d'une année de célébration pour Pokémon. On prépare le terrain pour la promotion de son prochain projet, ou le projet, comment on appelle, Pokémon Go, qui permettra de jouer aux dresseurs de Pokémon en réalité augmentée. Donc, écoutons cette publicité. Pokémon 20, on voit des jeunes dans une ruelle courir, on dirait une place où il y a la guerre, quelque chose comme ça, c'est vraiment super violent. Il y a du feu partout. Mon Dieu, les flammes sont effrayantes. L'enfant dit « Moi aussi, je peux faire ça ». Il se met à courir. Courir très très fort, très, très loin, à travers les montagnes, on le voit à la télé. Une fille dans un bar, dans un café probablement, dit « Moi aussi, je peux faire ça ». Elle joue aux échecs avec des enfants. Les gens la prennent en photo. Évidemment, elle est sur YouTube. Là, le gars regarde YouTube, il est dans un gym, dans un locker de sport de football. Crie après les autres, tout le monde met leur casque dans les airs, on est capable de le faire, nous aussi. On se met à courir, et là, il y a « Like no one ever was » écrit en haut de la porte qui mène vers le terrain. Un gars au Japon, on peut présumer, moi aussi, je suis capable de faire ça. Il y a une Power Pokéball dans sa main, il est devant un public dans une arène, il y a des Pokémon partout qui s'entraînent, quelque chose comme ça, tire du feu. Les gens applaudissent, prennent ça en photo, lancent la Powerball, Pokéball, et là, les gens dans leur salon... Tu peux le faire toi aussi, le père dit à son fils. Et continue l'entraînement. Ouais. Nous célébrons nos 20 ans. En fait, c'est pour un prochain jeu vidéo, c'est ça? C'est comme super bien expliqué. Non, mais je pense qu'en fait, j'imagine qu'ils veulent comme faire la promotion de Pokémon en général. OK. D'après moi, pour le 20e anniversaire, mais entre autres, ce qui s'en vient, c'est aussi une application pour téléphone cellulaire de Pokémon. Donc, entre les deux, mon cœur balance, c'est ça. Et voilà. Ensuite, pour démontrer la rapidité d'installation de la technologie self-harvesting, Anne Ocean et Alfred ont lancé sur YouTube plusieurs vidéos, dont une de 3h20. La technologie du self-harvesting permet à différents interrupteurs et sensors de fonctionner sans pile et sans fil. Ainsi, l'installation de ces dispositifs devient beaucoup plus rapide comparativement aux dispositifs traditionnels nécessitant des travaux comme ouvrir un mur, poser du câblage, installer, réparer, repeindre. Et ça peut prendre jusqu'à 3h20. Et c'est ça habituellement. Afin de mettre en avant ce gain de temps, l'agence Alfred a fait le pari de réaliser une slow ad, donc un peu comme la slow TV. On peut regarder de la peinture séchée ou un train passer à travers les Alpes. Donc, un plan séquence de 3h20 minutes où un personnage tente de passer le temps. Ainsi, l'agence souhaite mettre en lumière le temps considérable épargné grâce à sa technologie. L'initiative est accompagnée de deux capsules présentant la technologie self-harvesting et son effet sur le confort. Ces publicités-là sont présentées sur YouTube et sur le site de Anne Ocean. Donc, la première s'appelle Energy Harvesting. Anne Ocean uses 5 minutes 30. Self-harvesting technology. You can remotely control your lighting and other devices without connecting a single wire or using a single battery. Anne Ocean creates its own energy. Anne Ocean crée sa propre énergie. So you can use it again pour que vous puissiez l'utiliser encore et encore et encore. Et le clic sur le bouton. Et là, la publicité recommence, tu vois. Donc, ça a été enregistré pendant 15 secondes. C'est le même message. Ça fait un fade-out et ça recommence. So you can use it again and again. C'est quand même fort parce que ça prend aucun montant d'argent. Non, c'est vrai. Ça coûte genre 50$. Hein? C'est ça. Si tu mets le gars dans sa cave avec son divan, puis dorénavant, mettre une publicité qui va durer 5h20. T'sais. Et waouh. Coûte pas cher, ça. Mais c'est parfait comme idée. Ben oui. Il y en a plusieurs autres, dont Unlimited Comfort. Crew Collectif et Café. Un nouveau café pour entrepreneurs. Crew lance en plein vieux Montréal un café ouvert 24 heures par jour, 7 jours par semaine, qui logera également ses bureaux. Donc, une des cofondatrices de Crew qui nous explique le projet. Ça devrait ouvrir le 1er avril prochain. Ça va être logé dans l'ancien siège social de la Banque Royale, un espace de 12 000 pieds carrés. Il comptera une cinquantaine de places ouvertes à tous dans l'espace café et 25 places de travail allouées pour des artisans locaux sur invitation. Donc, c'est pas vous qui allez vous inscrire. Hein. En plus d'héberger ses bureaux. Donc, Crew, c'est une entreprise fondée il y a 3 ans et lancée dans le cadre du programme Founder Fuel par de jeunes entrepreneurs de divers domaines. De l'actuariat au design web en passant par l'ingénierie. C'est parti d'un manque de transparence dans le développement informatique et la plateforme de l'entreprise permet de dénicher une équipe adaptée à la réalisation de projets web de tout type. Beaucoup de détails, vous pouvez aller voir le reste sur assemblagerequis.com, mais en tant que tel, c'est ça, c'est un café et aussi un espace de bureau ensemble. C'est cool, par exemple, parce que ça dit que ça va être ouvert 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Donc, tu sais, on le sait, si on a notre propre entreprise, bien souvent, on va pas faire du 8 à 5. Ça se peut qu'on fasse du 3,5 à 9,5 le matin. Donc, de ce côté-là, c'est vraiment cool. Je trouve que l'initiative est vraiment bonne. C'est vraiment cool. Puis le design, surtout, comme il dit, je travaille dans le design, il y a beaucoup de faire et refaire et refaire et refaire jusqu'à ce que le client soit content. Oui. Et ça va pas finir, comme tu dis, dans des heures normales. Puis là, il y a comme les... Je lisais l'article, d'ailleurs, puis il y avait comme le restaurant Fly Gin, qui est très reconnu à Montréal, et aussi le Pied de Cochon, qui devrait avoir comme une espèce de kiosque derrière le bar. Donc, tu sais, ça va être quand même haut de gamme. Là, pour, c'est pas une cafétéria c'est d'université. Pas... non, en effet. C'est pas ça d'exo, mettons. Non. maintenant, parlons de sexisme en publicité. Une agence s'en prend aux clichés. Une vidéo réunissant et dénonçant les clichés de la femme objet dans la publicité circule depuis quelques semaines sur Internet. C'est par Badger & Winters, vous avez peut-être vu passer ça, une agence new-yorkaise qui est à l'origine de l'initiative. C'est né des résultats de recherche des mots-clés objectification et femme, donc objectification of women, sur Google, où plusieurs publicités sexistes ressortaient. Un montage vidéo de ces messages pour de grandes marques comme Tom Ford, Balmain, American Apparel et Burger King qui prônent l'image de la femme objet de façon pour le moins explicite a ensuite été créée et ces clichés se retrouvent dans la vidéo et dénoncés par des slogans provocateurs tels que I love giving blowjobs ou sandwiches. J'aime mais c'est un sandwich profond dans la I love sacrificing my dignity for a drink, j'aime sacrifier ma dignité pour une boisson. Le document se termine avec un message s'adressant clairement aux hommes. « Je suis ta mère, ta fille, ta sœur, ta collègue, ta supérieure, ne me parle pas comme ça. » En joignant la conversation « Hashtag Women Not Objects », des femmes et non des objets, engagées sur les réseaux sociaux en novembre dernier, l'agence Badger & Winters donne de la notoriété à cette cause, en plus de s'engager à cesser de promouvoir l'image de la femme objet dans ses communications, invitant ses confrères du monde de la publicité à agir ainsi. Depuis le 11 janvier, elle a été vue quand même 100 000 fois. J'imagine que ça a monté depuis. C'est pas un succès genre... au niveau de vidéoclips de ça et autres, mais quand même. Donc, c'est le 18 novembre 2015 qu'ils ont googlé « objectification des femmes », disent-ils, sur leur vidéo. Donc, on voit Google apparaître. « Objectification des femmes », quand même. On la regardera pas au complet, là, si vous avez probablement vu passer quelques bouts. Mais je regarde pas les vidéos jusqu'à la fin. C'est vrai, hein? Dans la vie, fait qu'on dirait qu'on fait juste encourager de faire ça sur le film aussi. Donc, la publicité de Burger King dans un autre pays, c'était pas aux États-Unis. I love giving blowjobs to sandwiches. J'aime faire des pipes aux sandwichs, voilà. I love sacrificing my dignity j'aime for sacrifier drink. Ma dignité pour de la boisson. Ça, je l'ai bien traduit. Mm-hmm. Donc, on voit une femme sur la plage I avec de l'alcool et un homme par-dessus. J'aime dormir avec des hommes qui ne me connaissent pas. Donc, on voit un gars et une fille coucher ensemble et la fille a un post-it avec le prénom Jade. La poursuite du bonheur, juste comme nos ancêtres le voulaient. Donc, on voit les gens comme dans le bateau à l'époque. Là, je sais pas, c'est la découverte de l'Amérique. Et là, il y a aussi en avant un camion avec des femmes qui font la même chose que des femmes en arrière dans un bateau, comme on connaît la toile. Ouais. J'espère que ma fille aura des copines comme ça quand elle sera grande. Donc, on voit des filles se coucher l'une sur l'autre dans un bar. La clé de mon cœur, un homme qui sent comme un vagin. Donc, la femme a une bouteille devant elle, exactement devant son entrejambe, j'imagine, d'alcool. Je vendrais mon corps pour un burger. Donc, on voit les publicités célèbres de Carl Jr. Une femme mange un burger de façon la plus sexy possible. Rien ne m'excite plus que de regarder un homme se faire exploser la tête. On voit des jeux vidéo où les femmes tirent sur d'autres femmes. C'est le jeu Hitman Absolution. On voit une infirmière en dessin animé dans une chambre à coucher. Je ne suis ici que pour ton amusement. Donc, la marionnette, dans le fond, la femme devient une marionnette. C'est pour DirecTV. Qu'est-ce qui irait bien avec ce repas? On voit une photo sur Instagram et c'est les fesses d'une femme derrière un repas, en fait. Clairement, mon décolleté peut tout vendre. On voit un décolleté et une boisson. Quand je range mon sac à main de luxe, tu sais que je suis complètement nu. On voit une femme se pencher devant un sac à main. On voit vraiment juste son derrière. Cette échelle est trop beau pour porter un pantalon. Elle porte un chandail coupé très très court avec des sous-vêtements qui lui rentrent dans la craque. Est-ce que tu aimes ce que tu vois? On voit à l'intérieur d'une jupe. On voit pas grand-chose à l'intérieur de la jupe, mais ça montre quand même une fille qui monte sa jupe sur Instagram. Et là, c'est le message que je disais tantôt. Je suis ta mère, ta fille, ta sœur, ta collègue de travail, ta patronne. Ne me parle pas comme ça. Voilà. Est-ce que c'était bien expliqué? Oui, c'était super bien expliqué. C'est assez... Ça dit tout. Troublant. C'est ça, exactement. C'est... Ouais. Ouais. C'est quand on les met un à la suite de l'autre qu'on réalise vraiment à quel point ça a un gros impact. Exact. Et vraiment, c'est les premières choses que tu trouves quand tu tapes objectification des femmes, c'est ça. Puis il y en a des centaines d'autres sur Google. Vous n'aurez pas à chercher trop loin si vous voulez en voir d'autres. En effet. Bande de petits pervers. Mm-hmm. L'article suivant s'appelle « George Clooney de trop ». Ça m'a fait rire un peu parce que c'est depuis 2013, vous savez, la marque Espresso... en fait, non, vous ne le savez pas. Nespresso utilise depuis plusieurs années dans ses publicités George Clooney. Et bien, depuis 2013, la marque Espresso Club parodie l'univers de Nespresso dans ses pubs. Après plusieurs années de procédure, le tribunal de Tel Aviv a rejeté la plainte déposée par le groupe suisse. Espresso Club est une entreprise israélienne en concurrence directe avec Nespresso puisqu'elle vend des produits similaires. Afin de faire parler d'elle, la marque a choisi une stratégie osée. En 2013, elle a décidé de parodier les fameuses pubs What Else de Nespresso, donc elles reprennent les mêmes codes, un col blanc ouvert, sourire blanc. On voit même le sosie de George Clooney sortir d'un magasin style Nespresso. Il y a une petite note en bas de l'écran qui dit que ce n'est pas le vrai. Et en 2013, Nestlé, la société mère de Nespresso, a porté plainte au tribunal de Tel Aviv pour concurrence déloyale, réclamant le retrait de la pub et une amende de 50 000 $ en disant Nespresso investit beaucoup pour construire sa marque. Elle insiste sur la qualité de ses produits et le professionnalisme de son service à la clientèle. La marque qui a investi plus de 10 millions de $ par message a connu une augmentation des ventes de 30% depuis l'apparition de George Clooney dans ses pubs. Elle accepte donc mal de voir un tel investissement parodié. Finalement, le tribunal a rejeté la plainte de Nespresso en plus de la condamner à verser 14 000 $ à ses concurrents pour dommages et intérêts et afin de couvrir les frais juridiques. Nespresso a déjà envoyé un avocat à Tel Aviv afin de faire appel du jugement et d'inverser la condamnation. Donc, la publicité est-elle en anglais? Je ne me souviens pas. On voit un acteur qui ressemble à George Clooney dans un bar Nespresso. C'est pas George Clooney? Non, je sais, c'est ça. Il ressemble vraiment beaucoup. Hein. Mais je crois que dans la publicité, c'est George Clooney, non? Attends un peu, je m'excuse. Alors, je pense que ça, c'était celle d'en bas, t'as raison. Celle d'en haut et celle avec le faux George Clooney. Oui. Tout à fait. Parce que j'ai regardé. Oui. Mais elle est très bonne. Like a new espresso machine. Donc, il n'y a rien de meilleur qu'une nouvelle machine espresso. Une actrice passe devant Monsieur Faux George et lui sourit. Et un autre gars normal claque des doigts. Maintenant, j'ai laissé la voiture avec le valet. On entend, on comprend pas évidemment ce que l'autre garçon dit. On va le lire après. Ils font juste parler. Je comprends pas comment le George Clooney comprend le gars s'il parle pas en anglais. Pourquoi est-ce qu'on peut faire répondre George Clooney en anglais? Pas en anglais, dans la même langue. Donc, on va lire un petit peu. Hein. Parce que George Clooney est bon dans tout ce qu'il fait. Donc, automatiquement, il comprend les autres langues. C'est comme Chuck Norris. Mais ne les parle pas. Donc, arrête de te parler à toi-même. Ta voiture est en train de te rembarquer par la fourrière, dit le gars. Mais je l'ai laissé au valet, répond le sosie. Non, mec, à l'auxiliaire de la police, c'est dommage. Avec Espresso Club, tu aurais pu avoir une machine livrée directement chez toi. Parce qu'il était dans un magasin Nespresso, aller s'acheter des capsules. Exact. Ouais, j'en avais pas entendu parler. Comment pourrais-tu entendre quoi que ce soit quand tu passes ta journée à sourire aux filles et à te parler à toi-même? Dit le jeune porte-parole. Attends, tu veux dire que la machine est gratuite? C'est de la folie, dit George. Mais s'habiller comme un valet pour acheter du café, ça, ce n'est pas de la folie? Ah, eh ben c'est OK. Ouais. OK. Mais la deuxième publicité, elle est très bonne, c'est si tu vraie. Veux l'écouter. C'est la vraie. Tu veux qu'on l'écoute ensemble? C'est très bon. Ça vaut la peine. En fait, on va tous comprendre. D'accord. Même juste sans trop la décrire, on est dans une boutique Nespresso. Donc, George se fait remarquer. Les deux se battaient pour la dernière capsule. Si charmant, si sexy, si généreux. Et là, elle prend la capsule et s'en va. George est un petit peu triste. Arrive à la machine, se prépare un espresso, un vrai espresso. Excusez-moi, une autre femme arrive. Est-ce que vous êtes Monsieur George Clooney? Non, vous devez faire erreur. Nespresso ou quoi d'autre? Ah. Parce qu'il veut pas se faire voler son espresso. Oh, c'est cute, c'est cute. C'est très bon. Mais l'autre, il ressemblait un peu à George quand même. Oui, quand même. Ils l'ont sûrement trouvé aux États-Unis. Ben là, c'est sûr. C'est pour ça qu'il parle anglais. Ça doit être genre son cousin. Peut-être. Non, mais c'est vrai. C'est comme, il y en a qui le font, hein. C'est Sylvester Stallone ou quelqu'un comme ça qui a un frère qui lui ressemble un peu puis qui a participé à des trucs. Ben, Paul Walker, son frère, doublé le restant du film parce qu'il lui ressemblait beaucoup. Exactement. Donc, ça se voit. Ça se voit. L'agence de voyage brésilienne CVC lance des publicités incitant au vrai périple plutôt qu'au voyage virtuel. Réalisé par les étudiants de l'école de publicité de l'Université de Fortaleza, au Brésil, cette série d'imprimés critique l'enfermement provoqué par les réseaux sociaux, en représentant les logos de Twitter, Instagram et Facebook comme des barreaux de prison, ainsi que la signature « World is outside », le monde est à l'extérieur. Ces exécutions incitent au vrai voyage plutôt qu'à l'évasion numérique que peuvent procurer les réseaux sociaux. Ainsi, ils relèvent le paradoxe des médias sociaux qui permettent au grand public de découvrir le monde entier en un seul clic, mais dans des découvertes superficielles et cloisonnantes. C'est tout simple, là, on a pris les logos, on les a mis à l'envers, donc pour que la publicité, on voit comme si on était, comme c'était une fenêtre, donc à l'extérieur, on verrait le logo à l'endroit, mais de l'intérieur, on le voit à l'envers, comme une fenêtre, comme une fenêtre, comme quelque chose, un logo dans une fenêtre. Et on voit, par exemple, dans le logo de Facebook, c'est la Tour Eiffel, on voit la Statue de la Liberté sur le logo d'Instagram, on voit... la statue, là, tu sais, du personnage, là, dans le... Avec le, tu sais, là, oui, sur Twitter. Oui. Évidemment. Celle-là, là. C'est celle-là. Ensuite, on passe à la Saint-Valentin, à ma grande culture de générale. À quelques semaines de la Saint-Valentin, Durex a lancé « Sortez des clichés », une campagne nationale qui incite les couples à venir à bout des rituels de la Saint-Valentin. La vidéo évoque les conventions de la Saint-Valentin en encourageant plutôt les couples à explorer leur côté aventureux et à créer leur propre tradition coquine. Hein? On dit que la Saint-Valentin peut signifier bien plus qu'une douzaine de roses. L'objectif est de s'éloigner de la pression d'acheter des cadeaux et de miser plutôt sur l'intimité entre partenaires pour approfondir leur relation à l'aide des gels Durex Pleasures. Bien évidemment. Cette campagne nationale multiplateforme comprend une pub télé, des placements de publicité contextuelle et une stratégie auprès d'influenceurs. Il y a aussi le mot clic hashtag cut de clichés qui dirige les internautes vers la vidéo diffusée sur YouTube. Évidemment, on est une émission familiale, mais on va se permettre d'écouter un peu en décrivant sommairement. Oh mon Dieu. Durex présente. Faites tomber les clichés. C'est un Saint-Valentin. Hein? Donc, on a une carte sur un banc qui dit « Be my sweetie pie », soit ma chérie... Tarte. Si maudite tarte. Donc, le gars câline les sous-vêtements de la femme dans un mouvement très, très sexy. Il y a un chocolat qui est envoyé sur la tarte. Donc, le sweetie pie devient une position sexuelle. Il y a une flèche dans un cœur de chocolat. Le câlinage continue. Oui. Évidemment. Le chocolat dans les airs, tout gommant. Ça, hein? C'est... Hein? On comprend ce que ça veut dire. Ouais, Cupid's Quiver, le grelottement, si on veut, de Cupidon. Le reste se décrit de lui-même. Un pot de fleurs tombe par terre. S'éclate en mille morceaux. Et ça s'appelle Coming Up Roses. Donc, couper les clichés cette Saint-Valentin avec les gels Durex. Allez. Oh oui. Ouais. Moi, ça me laisse un peu froid. Ouais. Ça me fait pas grand-chose. Mmh. Mazda vous convie au salon maintenant. On parle dans la réalité. À l'occasion du salon de l'auto de Montréal, JWT Montréal a conçu une offensive publicitaire imprimée pour Mazda. Les affiches ont été installées sur les quais de la station de métro Place d'Armes. Elles exposent des messages de bienvenue à différents salons visant à interpeller les clients de Mazda, peu importe l'étape de la vie à laquelle ils se trouvent. Une exécution dans les escaliers du Palais des Congrès où se déroule le salon a aussi été déployée pour mettre en valeur la traction intégrale e-active de Mazda. Donc on voit littéralement donc dans la comment dire, les bancs de métro. On pourrait dire des bancs de métro. Il y a des publicités affichées. Donc, ça dit « Bienvenue au salon de la pourvoirie, bienvenue au salon de la maternité, bienvenue au salon des carrières et professions. » Et là, t'as, évidemment, je trouve ça un petit peu, comment dire, comment est-ce qu'on dit ça? Pas patronizing, il y a un mot pour ça, là, quand c'est... Pétrifié? Absolument pas. Mais donc, le salon de la maternité montre une minivan qu'une femme conduirait typiquement, genre. C'est un peu comme cliché, je trouve, et un petit peu condescendant envers la femme de dire que c'est seulement pour... Ben, premièrement, c'est condescendant envers tout le monde, parce que c'est de dire qu'il y a seulement une femme qui peut conduire ça, c'est être enceinte. Le salon des carrières et professions, c'est une voiture que seulement un homme d'affaires pourrait conduire. Le salon de la pourvoirie, ben, en fait, je regarde ça, puis on dirait qu'ils ont fait exprès pour qu'on puisse dire ça, en mettant la même image sur deux textes. C'est vrai. Donc, c'est le même camion sur Salon de la Pouvoirie que Salon de la Maternité. Donc, tu vois, je pense qu'ils ont vraiment comme compris à l'avance qu'ils allaient se faire dire ça. C'est sûr. Bienvenue au Salon de la Romance et de la Séduction, c'est une décapotable. Bienvenue au Salon de la Franchise et de l'Entrepreneuriat, c'est la même voiture, je crois, que l'homme d'affaires typique tantôt. Bienvenue au Salon Sport, Aventure et Plein Air, avec un coupé, je sais pas comment on appelle ça. C'est un CX3. Évidemment. évidemment. Donc, c'est ça, c'est la même publicité plusieurs fois avec différents textes et différentes voitures qui peuvent s'appliquer à plusieurs situations. Voilà. Je crois qu'on peut continuer avec la nouvelle signature de Coca-Cola. Est-ce que tu as entendu parler du changement de marque pour Coke? Non. Non? Ben, Colin, ça me... J'aime ça que t'aies pas entendu parler de ça. Mm. Mon but étant évidemment de vous apprendre des choses. Donc, Coca-Cola apporte un changement majeur à son identité de marque avec une nouvelle signature implantée à l'échelle mondiale. Vous allez certainement la voir très bientôt. Ça remplace Open Happiness. Donc, ouvrez-vous un peu de bonheur, quelque chose comme ça en français. Le slogan de la marque depuis 2009 quand même. Hein. Le géant mondial communiquera désormais autour d'une marque unique afin d'identifier toutes ses déclinaisons, que ce soit Coke, Coke Diet, Coke Zero au Canada, Coca-Cola Light ailleurs. Cette nouvelle stratégie internationale s'inscrit dans un contexte difficile dans le marché des boissons sucrées, à l'heure où les consommateurs souhaitent surveiller leur apport en sucre et consommer des produits plus naturels. La marque a annoncé le changement à Paris avec une campagne composée de 10 pubs télé diffusées dans les 200 pays où Coke est distribué. Des visuels, pièces imprimées et exécutions en ligne complètent l'offensive, alors que les précédents messages jouaient sur le bonheur que procure la boisson. Cette démarche est un peu plus modeste en mettant de l'avant des valeurs de simplicité et de spontanéité qui évoquent des moments du quotidien, nous dit InfoPresse. Ce changement représente aussi une façon de marquer l'entrée en fonction de Marcos De Quinto, le nouveau directeur du marketing du groupe. On va essayer de s'en décrire quelques-unes. Je crois qu'elles sont courtes, celles-là. Des petites minutes. Donc, un cadran se sonne. Un gars se donne des claques d'en face. Une fille est en train de remplir un examen. Il y a plusieurs personnes en même temps. Là. Donc, on remplit un examen. Les aiguilles de l'horloge avancent. On voit une bouteille de Coke avec des gouttes d'eau sur le côté. On joue au soccer. Les gens se foncent dedans. Carton rouge, pénalité. On revoit la bouteille de Coke. Le gars fait un plongeon dans la piscine. Oups, tombe malheureusement, maladroitement. On voit encore une bouteille de Coke. Une femme dans un taxi se chicane avec sa mère, potentiellement. Quitte la voiture, bouteille de coke. Concert de violon, bouteille de coke. Concert de musique, bouteille de coke. Tu sais, genre. Oui. Le coke, évidemment, explose comme au climax de la chose. Et là, tout le monde se reprend, tout redevient correct. Les gens s'embrassent, la mère, la fille. Le concert va bien, le match de soccer va bien. Tout va bien, les roses, les bonbons. Tout le monde se câline, c'est la vie est belle. Parce qu'on a bu Coca-Cola, goûter au sentiment, goûter... Oui, au sentiment, on joue beaucoup avec les sentiments, la pression. Dans le plus long vidéo, en fait, c'est vraiment Coca-Cola qui décrit chaque sentiment que tu peux avoir avec un Coke. Puis non, j'aime ça, en fait, j'aime l'idée. Oui, comment est-ce que tu traduirais ça en français? Je me demande comment ils vont amener taste the feeling, goûter à l'émotion. Oui, goûter aux émotions. Goûter aux émotions, j'aime ça. Ouais. Je pense que ça va être ça. Ou vivre les émotions. Non, il faut goûter. Oui, il faut goûter. Tu as bien raison. Goûter l'émotion. Goûter les émotions. C'est particulièrement quétaine comme slogan. Mais ça va fonctionner. Ça va fonctionner dans tous les 200 pays où Coca-Cola est présente. Parce qu'évidemment, ouvrir un peu de bonheur ou open happiness, c'est un slogan qui a fait son temps. Hein? Mm-hmm. Il faut bien que la page Wikipédia soit mise à jour avec les différents slogans. Pas le choix. Tu peux pas durer 20 ans avec le même slogan. Continuons avec le tabac qui tue. Une publicité choc. Pub.com et Avenue 8 font équipe avec le Conseil québécois sur le tabac et la santé afin de mettre en évidence les ravages du tabac chez les fumeurs et leurs proches. La campagne s'inscrit dans le cadre de la Semaine pour un Québec sans tabac qui se déroulait jusqu'au 23 janvier sous la signature « Fumer, souffrir, mourir ». La publicité mettait en lumière les souffrances d'un fumeur à partir de la découverte de sa maladie jusqu'à son décès. Un parcours marqué par la souffrance qui affecte aussi tout son entourage. C'est la 14e année consécutive où Pub.com a conçu la nouvelle plateforme créative de cette opération. Le nouveau message télé était diffusé sur les grands réseaux francophones jusqu'au 23 janvier sur leur site web. L'agence a aussi orchestré la stratégie et les achats médias. L'offensive comprenait de l'affichage numérique dans les réseaux de la santé, les exécutions imprimées et la gestion de publicité sur Facebook. Et c'est l'agence Avenue 8 qui a, quant à elle, réalisé la stratégie numérique comprenant le microsite, la production de capsules vidéo et d'infographies destinées aux réseaux sociaux, de même qu'une approche auprès de blogueurs et de webzines. En plus des trois messages télé, il y a aussi des capsules vidéo mettant de l'avant une réelle victime du tabagisme, Michel Odette, ex-fumeur, qui a reçu un diagnostic de cancer de l'oropharynx à 48 ans. Il livre un témoignage que vous pouvez voir sur assemblagerequis.com et ça invite le public à sensibiliser ses proches et à raconter son histoire sur la page Facebook Monde sans fumée avec le hashtag Québec sans tabac. Voilà. Est-ce que tu as vu à la télé un peu? Non. J'ai pas vu moi non plus et comme de plus en plus de jeunes universitaires n'ont pas le câble. Ouais. C'est pour ça que des fois je me permets quelques publicités québécoises, même si certains les ont déjà regardées. Donc voici SQST, la suite. Écoutons ça. La vidéo de ton bar, hein? Oui. J'ai toujours l'audio seulement sur les Vimeo, malheureusement. En YouTube, fait, le monsieur a une bosse dans le cou. Ouais. Là, après ça, on voit le monsieur assis dans le lit avec un tube dans le nez. il file pas, là. Par la suite, c'est marqué octobre 2015. On est rendu 3 mois plus tard. Le monsieur est malheureusement décédé. Le tabac cause 16 types de cancers. Oh, OK. C'est triste. C'est très triste comme publicité. Ça finit sec, hein? Oui, le tabac cause 16 types de cancers. Pas de... Pour plus d'informations, allez voir. Bien, il y a comme une écriture. Oui, mais les gens qui sont aveugles, Tania, j'ai pas de vidéo, moi, de mon bar. Ouais, bon, les gens qui sont aveugles. C'est ça. Oui. Pensez aux gens qui sont aveugles pour faire vos pubs. Non, mais tu sais, c'est pas faux, là. C'est pas faux. T'as bien raison. Je dis des affaires de même, mais ça reste vrai. Voilà, c'est tout pour le bloc pub. On s'en fera d'autres une autre fois. On a tendance à faire ça le mardi. Aligné sur assemblagerequis.com. Plein de choses qu'on a sautées, mais évidemment, on y reviendra dans le temps comme dans le temps. On prend une pause au retour. Ce sera notre chroniqueur Jimmy Thibodeau. Oui. Et sa chronique, c'est dans le monde que ça se passe. C'est dans quelques instants. Sur C'est fou. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Assemblage Reiki. Oui. Assemblage Reiki. Bonjour, c'est toujours Assemblage Reiki en ce mardi 2 février 2016. C'est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oh que oui. C'est le moment de parler d'actualité. Pas d'opinion aujourd'hui, par contre. Donc, c'est Jimmy Thibodeau qu'on accueille. On a eu des problèmes avec l'opinion de certains chroniqueurs hier. Ah bon, OK. Fallait être là. Mais bonjour, en tout cas. Bonjour, ça va bien, Jimmy? Ben oui, ça va super bien. J'ai hâte d'entendre ton sujet d'aujourd'hui parce que tu m'as dit tantôt, en fait, que tu avais trouvé plein de bons sujets pour les chroniques à venir. Oui, puis à chaque fois, jusqu'à maintenant, tu nous as surpris avec un sujet dont on n'avait pas entendu parler, genre de la vie. OK. Pour la semaine prochaine, ça va être vrai, là, mettons. Mais, Cette semaine, c'est plus... D'actualité peut-être, j'oserais pas dire ça, mais en tout cas c'est sur un terrain beaucoup plus, à la fois il y a des nouvelles, puis à la fois il y a un petit peu de philosophie là-dedans, vous allez voir. Ah, j'aime ça. Ouais, donc en fait ma question que je pose aujourd'hui c'est qu'est-ce que le rire, puis quand est-ce qu'on peut l'utiliser? Oh! Ok, ouais. Intéressant. Parce que le rire, surtout depuis début 2015, il y a eu plein d'événements qui ont fait que le rire... En fait, c'est quelque chose que l'humour en particulier, c'est quelque chose qui a été vraiment remis en question dans notre société partout dans le monde, là, pas juste au Québec. Dans le cas du Québec, on a eu plusieurs coups d'éclat. Par exemple, on a eu Mike Ward qui a ri du petit Jérémy, là, ce fameux cas-là. T'as dit, fait la même chose aussi, en nombre. Non, je tiens à dire que c'est. Et puis, on a eu aussi le cas de. Mais encore, c'était-tu Mike Ward qui avait fait ça? Mais c'est souvent Mike Ward. Avec Cédric, oui. Mais c'était. Ah oui, c'est dans la soirée, t'es encore jeune. Ah, oui. On avait traité quelqu'un de Mongol, puis là, il y avait des gens qui militaient pour la. Qui était dans les. Enfin, qui aidait les malades mentaux, puis qui disait que c'était plein de ça, parce que ça riait des malades mentaux. Mais comment ça qu'il y a personne de Mongolie qui s'est plaint? Je sais pas. Ouais. Peut-être pas assez d'immigrants mongols au Québec. Ça peut être ça, ouais. Sûrement. Mais bref, puis non seulement il y a ça, mais il y a aussi le cas de Charlie Hebdo à l'international, qui est vraiment notoire là, comme cas. Il y a eu les attentats à Charlie Hebdo, puis là on se demande, est-ce que Charlie Hebdo attise pas le feu, attise pas... Je pense que c'est leur but, leur objectif à la base était de faire ça. Mais en fait, Charlie Hebdo, quand on regarde de près, c'est quand même vraiment... tu sais, il aime ça caricaturer l'islamophobie et tout. Puis il faut comprendre, c'est quasiment pas du deuxième degré, on pourrait quasiment dire que c'est du troisième degré, rendu là. Ouais. Donc c'est difficile des fois de trouver les nuances. Ça peut des fois alimenter un débat haineux, on le sait pas. Des fois, des gens qui prennent ça au premier degré, c'est on ça. Le sait pas. Parce que les... Puis là, on va y aller dans l'opinion un peu, là. Mm-hmm. Ouais, ouais. Attention à ce que tu dis. Je sais. C'est ça. La chose qui me dérange avec Charlie Hebdo, puis j'imagine que tout le monde en a parlé à ce moment-là, mais je n'en ai pas parlé depuis, c'est qu'il y a des gens qui encouragent la liberté d'expression en se rendant pas compte que la raison même pour laquelle Charlie Hebdo fait ces affaires-là, c'est pour parler au troisième degré en riant des gens qui... veulent la liberté d'expression pour pouvoir dire n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Alors que les gens qui étaient pour Charlie Hebdo prenaient ça plus au premier degré de j'ai le droit de dire ce que je veux. Ouais. Genre. C'est ça. Quelque chose comme ça. Ouais, c'est mal expliqué, évidemment, parce que ça vient de moi, mais quand même. Mais vraiment, c'est une question aussi de responsabilité. On ne sait pas si Charlie Hebdo devrait peut-être s'auto-censurer ou on ne sait pas. C'est un débat entre on devrait tout dire et on devrait se censurer parce qu'on remarque aujourd'hui en société, ces dernières années, que rire de certaines personnes, ben ça fait mal à des gens. Ouais, ça blesse des gens. Ouais. Donc c'est vraiment quelque chose de très, très touché. Un débat de valeur incroyable. Puis, dans le fond, moi, ce que j'aimerais faire pour éclairer un peu la chose, c'est de se demander, ben, c'est quoi le rire, dans le fond? Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Mm-hmm. Et dans quelle mesure on peut l'utiliser à la lumière de ce qu'on sait? On a peut-être plusieurs hypothèses à savoir c'est quoi le rire. La première, qui viendrait peut-être spontanément à l'esprit, c'est peut-être une sorte de légèreté, une sorte de banalisation de quelque chose. Mm-hmm. On entend beaucoup cette théorie-là de gens qui disent, par exemple, « Ouais, mais rire de... » Non, je donnerai pas cet exemple. Non, ça change d'exemple. Oui, c'est ça. On marche sur des œufs. Ouais. Non. Je ne toucherai pas à aucun sujet d'actualité. Rien, ne vous inquiétez pas. Moi, tu sais ce qui me fait rire? Oui, vas-y. Les chats qui miaulent dans le fond. Ouais, c'est assez troublant. C'est malade. Non, mais j'adore ça. Alors, je vais prendre l'exemple. Par exemple, si on rit des stéréotypes des Noirs, mettons. Mettons. Ça, c'est le sujet que tu choisis pour ne pas être trop... Oui, okay. Oui, je sais. Cool. C'était encore pire, l'autre. Hey boy! OK, si je fais ça, ben dans le fond, certains peuvent dire, bon, ben c'est rire de quelque chose. C'est ne pas prendre au sérieux le sujet. Exact. C'est une banalisation, le rire. Mais est-ce que le rire, c'est vraiment une banalisation? Quand on regarde ça de plus près, ça tient pas vraiment à la route quand on regarde les autres théories. On se rend plus compte que le rire, c'est un message en particulier. Certains pourraient dire que le rire, c'est plus quelque chose comme une moquerie. À l'inverse, donc si je ris des stéréotypes sur les Noirs, c'est peut-être pas tant... ça dépend comment tu le fais, l'humour, là, mais tu peux aussi rire de ces stéréotypes-là en particulier, puis rire du racisme. Tu peux rire du fait qu'il y a des gens qui sont racistes. Ouais. Donc, ouais. Ça se fait, ça. Donc, le rire, c'est pas nécessairement une banalisation, ça peut être aussi de la moquerie. Oui. Il y a des gens qui n'ont aucun sens de détection du sarcasme ou des trucs comme ça. Oui, c'est ça. C'est vraiment difficile avec ces gens-là de faire ce genre d'humour-là. Mais encore là, est-ce que c'est juste de la moquerie, le rire? Parce que des fois, il y a des situations vraiment absurdes où on rit pas de quelque chose en particulier. Alors là aussi, la théorie de la moquerie, ça tient peut-être pas la route au complet. Donc là, vraiment, là, qu'est-ce qu'on fait avec ça, le rire? Il y a d'autres hypothèses, là. Par exemple, j'aimerais bien vous emmener à la théorie de Thomas Hobbes. Okay. Ça, c'est un philosophe du 17e, ouais. Dans le fond, ce qu'il disait, lui, sur le rire, c'est que le rire, c'est un peu une glorification de soi. C'est un peu... c'est réduire quelque chose, en fait, c'est se penser supérieur à quelque chose. Ah? Ouais. Dans le sens que si tu fais rire quelqu'un, c'est que tu te trouves toi-même drôle? Dans le sens, je vais donner un exemple. Ouais. Supposons que nous, on rit de nous-mêmes d'une situation absurde qui nous est arrivée. Si on peut faire ça. Ouais. Alors là, c'est peut-être parce que on veut se mettre au-dessus de ça, dans le fond. Ah, ouais, ouais. OK, ouais. Donc, dans ce sens-là, une sorte de glorification. Tu vois, dans ce sens-là, c'est comme pour aider notre estime de nous-mêmes. Ouais. Il faut bien rire, comme on dit. Booster notre ego. Oui. C'est ça. Donc, ça serait peut-être ça, le rire. Mais encore là, des fois, il y a des moments où on rit de nous-mêmes vraiment pour rire de nous-mêmes et pas pour se mettre au-dessus de quoi que ce soit. Mm-hmm. Donc, est-ce que c'est complet? Il y a des cas qui manquent encore. Parce que si tu ris de toi-même parce que les autres sont en train de rire de toi, tu veux juste avoir l'air de te sauver à la face. Ouais. C'est sûr. C'est pas mal se mettre au-dessus, ça aussi. Donc, c'est une théorie qui marche pas peut-être à 100%. Donc là, il y en a une quatrième, et là, je vous emmène sur un terrain plus scientifique, pas juste philosophique. Là. C'est un neuroscientifique qui s'est penché sur la question. Lui, il aurait découvert qu'à chaque fois qu'on rit, peu importe ce qui arrive, ça serait dû à une incompatibilité logique. Dans le fond, quand on trouve que quelque chose est vraiment soit absurde ou ridicule ou risible, c'est comme... Ça veut dire que dans notre cerveau, il y a une sorte, on perçoit une incompatibilité logique quelque part, dans la chose absurde par exemple. Et là, on essaie de réinterpréter ça. Et pendant qu'on essaie de réinterpréter ça, on en rit. Ce serait ça le rire. Okay. Et puis quand tu y penses, ça se met. Tu sais, je sais pas pourquoi, mais j'ai pensé au Joker parce que le Joker, automatiquement, il rit tout le temps. Oui. puis. Je pensais à l'émission de télé du Joker, qui te parle de Joker fou du roi. Ouais, Joker fou du roi, mais Joker Batman aussi. Ah, okay, là, oui. Dans l'émission. Mm-hmm. Puis, en fait, il n'est pas d'accord avec tout ce que tout le monde dit. Donc, cette incompatibilité logique-là serait rentrée en ligne de compte. Il y a des choses inappropriées, donc peut-être. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est intéressant avec cette théorie-là, c'est que ça couvre tous les cas, en fait, à peu près, mais en tout cas, tout ce que j'ai pensé. Si on a, par exemple, un cas de moquerie envers quelqu'un en particulier, alors là, oui, il y a un cas d'incompatibilité logique dans la tête de celui qui se moque de l'autre parce qu'on trouve que l'autre n'a pas raison ou est vraiment dans l'absurde. Ou encore, si on est dans une situation où on, je sais pas moi, on a une tache sur le nez puis on trouve ça bizarre, là, ben là aussi, on trouve qu'il y a une on peut dire à la limite qu'il y a une incompatibilité logique dans le sens où ça devrait pas être nous autres, c'est un peu ridicule. Donc, ça semble couvrir tous les cas, c'est intéressant comme théorie, mais peu importe les théories qu'on prend, là, est-ce que c'est de la moquerie, est-ce que c'est de la glorification personnelle, est-ce que c'est une incompatibilité logique, on se rend compte dans ces théories-là du rire que il y a quelque chose de comme un désaccord chaque fois qu'on rit. Il y a un désaccord envers la chose qu'on rit. Donc, on peut penser que le rire, c'est quelque chose d'assez péjoratif. Mm-hmm. Puis, même si on a le droit de rire, bien sûr, puis c'est bien bon de rire, tu sais, c'est pas pour rien qu'on dit souvent que « Ouais, mais je ris pas de toi, je ris de la situation. » Oui, je ris avec toi. Oui. Je ris avec toi, c'est ça. C'est pas pour rien, ça, j'ai l'impression. Puis, je pense qu'il faut bien comprendre ces mécanismes-là du rire. Puis ça nous permet de voir qu'effectivement, quand on rit de certaines personnes, ça peut les blesser, puis il y a une raison à ça. C'est dans la nature même du rire, j'ai l'impression. Il y a des gens aussi qui sont facilement blessés. Oui. Tout à fait. Alors, comme quoi on peut bien rire de certaines choses, mais pas avec n'importe qui et pas de tout. Mais oui, rire, mais dans le fond, notre prise de conscience de ces dernières années est vraiment, d'après moi, très bonne. Et je pense que dans ce sens-là... on devra mettre peut-être éventuellement, on va peut-être devoir réformer le rire ou l'humour et ouais, on ne sait pas. Parce que, oui, ben, l'école de l'humour pourrait avoir aussi à la place d'une nouvelle orthographe, ce sera un cours de sensibilisation sur la chose. Mais est-ce que vous pensez que ça veut dire qu'il y a des gens qui sont immunisés au rire? Probablement, s'il y en a qui sont immunisés à la douleur. Ouais. Ben, en fait, là, ce qu'on peut penser, c'est par exemple tous les groupes de gauche qui prennent la défense, par exemple, des malades mentaux, des différentes ethnies, des différents sexes, des transgenres, etc., et qui prennent la défense des minorités. Alors, est-ce qu'on peut se dire, eux autres, ils peuvent plus avoir d'humour? Mais peut-être pas tant que ça. C'est peut-être juste de changer notre humour. C'est ça que je veux dire par réforme du rire. Dans le fond, c'est peut-être de rire de choses différentes à partir de maintenant. Parce qu'on a l'impression qu'on peut juste rire de ça, des minorités, etc. Mais non, c'est pas ça du tout. Des fois, il peut y avoir des choses qui sont pas faites ensemble, dont on peut rire. Puis je pense que le discours de « Ah, il faut la liberté d'expression tout le temps », je pense que ça a ses limites. Un peu comme avec le harcèlement ou quoi que ce soit. Ça me rappelle Pimentfort des années 90, l'acharnement contre certaines personnalités. C'était absolument ridicule, c'était vraiment ça, c'était d'acharnement. Exactement. Toutes les mêmes victimes de ces gags-là. Tout à fait. Donc, le rire, c'est un message politique, puis un message personnel qu'on envoie à quelque chose d'autre. Donc, je pense qu'il faut en prendre conscience. Et puis, notre prise de conscience, justement, qu'on a depuis Charlie Hebdo et depuis quelques temps, elle est très bénéfique, d'après moi. Ouais. Donc, voilà. Tout à fait. Bien dit. Je trouve, tu sais, mettons qu'on parle d'humoristes, là, les humoristes qui ont le plus de succès sont ceux qui parlent de situations familiales, de couples, de trucs comme ça. Ce qui pogne le moins ou ce qui a le moins de durée de vie, c'est l'humour politique. Voilà, oui, ben, c'est parce que ça fait son temps. C'est ça. Mm-hmm. Et probablement l'humour qui est trop méchant. À un moment donné, tu te tannes de ça. Oui, c'est tout à fait vrai. C'est sûr que il y a des sujets plus universels qui font rire tout le monde. Je pense qu'il y a moyen d'exploiter ça. C'est pas dire qu'il faut rendre ça fade puis d'avoir l'humour qui plaît à tout le monde. C'est pas ça non plus. Non, mais on a le droit aussi de l'humour politique, par exemple, c'est bon. Parce que, tu sais, c'est pas offensant envers quelque chose en particulier. Ouais. On a le droit de rire de certaines idées, mais pas de certaines personnes, de certaines minorités. Donc, il doit y avoir des limites à quelque part. Il y en a qui vont trop loin, tu sais. Ben, c'est sûr qu'il y en a qui vont trop loin juste parce qu'ils veulent faire parler d'eux. Tu sais, mettons, là, je lance des exemples comme ça parce que je me souviens d'avoir vu un numéro de Guillaume Wagner qui parlait de Marimé qui devrait se tirer une balle en bas. Oui. Donc, c'est un peu peut-être too much. Oui, peut-être. Mais en même temps, c'est ce qui fait parler de lui. En effet. C'est pas dire qu'il fait juste ça non plus comme humour. Les gens aiment les polémistes, malheureusement. Donc, c'est des choses qui arrivent. À qui le dis-tu, mon cher? Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est possible d'avoir de l'humour qui marche bien et qui n'est pas offensant pour qui que ce soit. Je pense, par exemple, je sais pas moi, à John Oliver aux États-Unis. Exactement. Ben oui. Mais lui, tu sais, il est très de gauche et il a conscience que l'humour, ça peut blesser certaines personnes. Donc, il rit de choses qui ne sont pas offensantes pour les minorités, par exemple. Donc, c'est vraiment un genre d'humour. C'est très drôle, là, John Oliver. C'est super. Et c'est pas offensant pour personne. Donc, c'est un bel exemple, là, d'après moi. Là. Il y en a plein d'autres aussi. Là. Sauf contre la rectitude politique et ouais, le Parti républicain. Pas obligé d'être correct, ben dans le fond, pas obligé d'être respectueux et politiquement correct en même temps. Ouais. C'est pas l'un va pas avec fou, l'autre. Hein? Voilà. En même temps, il y en a de tout pour tous les goûts. Puis s'il y en a qui aiment ça se faire, donner de l'humour offensant, offusquant. Mais la plupart du temps, les humoristes, ils vont choisir d'y aller avec des situations déjà vécues dans leur propre vie. C'est ça. Je pense que c'est ce qui est universel puis ce qui va faire le rire le plus grand nombre de personnes parce que tu peux relier à un certain point à ce qui est arrivé à cet humoriste-là. Donc, si tu y vas du côté plus politique, tu sais pas vraiment qui va rire parce que les gens sont tellement d'opinions différentes que ça peut ne pas pogner pour tout le monde dans la salle. Tu veux pas te mettre la moitié de ton public à dos, c'est sûr. Non, ça, c'est sûr. Guy Nantel, c'est pas le gars le plus à succès qu'on a connu. Non, c'est sûr. Donc, Jimmy Thibodeau, on a parlé de rire aujourd'hui. Oui. Mais on n'a pas ri bye-bye avec toi parce que c'était pas super drôle. Comme non, quand même. C'est quand même sérieux sur le rire. Mais on t'apprécie quand même et on va te retrouver la semaine prochaine. C'est mardi à 8h. Voilà. Merci, Jimmy. Bon, merci beaucoup. Tout à l'heure, on aura Gabriel Béaud, la chronique dans les coulisses de la lutte. Mais avant ça, on va parler d'amour à place de rire. Hein? On va parler de How Can You Think of Love at a Time Like This. Voici The Noble Thieves. Là, ça me Just a crow from a long, long while. Stay there. C'était The Noble Thieves et How Can You Think of Love at a Time Like This. Autour de la pause, c'est Gabriel Béhoud et dans les coulisses de la lutte. Restez là. Assemblage de qui? Pour toi aujourd'hui. Assemblage de qui? Visitez cifou.ca. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Assemblage Reiki. Pour toi aujourd'hui. Assemblage Reiki. Toujours à Assemblage Reiki en ce mardi 2 février 2016. Qu'est-ce qu'on regarde, les amis? On regarde un vidéo de chat. Epic Cat Fails. C'est les Epic Cat Fails. Il y a vraiment des chats qui sont stupides dans la vie, hein? Ouais. La plupart, en fait. Elle, ouais. C'est Tania Baudin. Oui, Mathieu Plante aussi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Puis la voix, l'autre voix que vous entendez, c'est... Salut. Salut, gorge profonde. Gorge profonde. Mon Dieu, ça me rappelle des souvenirs. C'est Gabriel Béhoud, voici dans les coulisses de la lutte. C'est pour ça qu'on me décrive la vidéo de chat que vous venez de voir. Là. Ah, mais mon Dieu, les chats, ils sont juste pas tous capables de sauter comme du monde. Il y en a qui se font ramasser par des chiens pour une bébelle. C'est assez drôle, merci. Je pense que mon préféré, moi, Ada, c'est un qui se met la tête dans un verre de styrofoam. Il fait comme... Non! Ouais, non. Il est pris dedans. Ah, il va falloir que tu nous cross-poses ça sur la page, ouais, Assemblage Reiki. Ça, d'après moi, là, ça va être un succès. Aucune controverse. Ça, c'est du like au coton. Du like, okay, au coton. Comme mode coton. Ça existe, oui, plus, ça, hein? Non. Y'a-tu encore? Ben, je pense pas. Mode coton. Regarde donc. Tout le monde a besoin de coton watté. Matelas Renault. Ou t'achètes des cotons wattés. Non, mais avant, okay, c'était mode coton, à ça, c'est matelas Renault. Ok, je pense que ça avait, donc, ça avait évolué. Ils ont rembourré des matelas avec la vieille guenille. Avec leur restant. Ouais. C'est ça, ouais. Bref. On a tous besoin d'au moins un coton watté. Ben oui. Oui. Hey, moi, j'ai découvert la joie des pantalons de jogging, genre l'an passé. Ah, avant, oui, ça, je ne l'avais jamais eu. Slack ou serré un peu moulant? Moi, je suis contre les pantalons de jogging avec un élastique à la cheville. Ah, ok, t'aimes un élastique à la taille, t'aimes un cordon à la taille? Ouais, j'ai les deux, moi. Bon, ben, pour être sûr de pouvoir tenir comme faut. Exactement, puis la patte ample. Comment? Patte ample. Ample. T'es pas cowboy dans tes des jogging. Non. Ben, si tu vas dans un magasin de jeans, hein, tout le temps avoir la mode, tu sais, cowboy, Los Angeles, hein, Tania? Hein? Mm-hmm. Coupe étroite, coupe... Je sais pas, moi, c'est ça. Moi, c'est soit... Slim Straight. Slim ou donc, Straight. Ou l'autre, là. Regular. Ordinaire, c'est évident. Ouais, d'habitude. Bref. Ceci étant dit, on est là pour parler d'improvisation. Oui. Et depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, c'est-à-dire jeudi matin, on s'en est passé des affaires. Hey, pour ceux qui aiment l'impro, c'est la semaine. Hein. C'est la période de 3-4 jours. Là, d'improvisation. Il y en avait. Mur à mur. Oui. On va commencer dans l'ordre avec jeudi passé. C'était le match du Carnaval étudiant 2016. Hey, c'était un marathon d'improvisation incroyable. Ça se peut pas. On a pu voir justement des joueurs là, de très bonne qualité, en fait, parce qu'il y avait deux représentants par association étudiante qui se joignaient à deux joueurs de la lutte. Mm-hmm. Donc, ça faisait 8 joueurs. Donc, 4 de la lutte et 4 des assos respectifs. Et puis, on a pu voir des très, très bons improvisateurs comme des très ordinaires. Très ordinaires, en effet. Mais il y en avait pas mal. Ça cherchait. Ça essayait de remplir le temps. Ouais. C'est difficile, des longs silences. Hein? C'est difficile, ouais, d'arriver puis décider de faire de l'improvisation comme ça devant tout le monde. Ouais, il y en a que... Ben moi, là, je vais vous avouer quelque chose. C'est les matchs les plus stressants que je joue dans un année, je pense. C'est plus stressant à regarder aussi. Ouais. Oui. Pour moi. Oui, oui, oui. Des fois, tu t'en... Si t'avais comme un bouton, là... Next! Ouais, c'est ça. Next ou... ceci n'est pas politiquement correct. Oui, en ceci effet. C'est ça, d'après moi, mais, le bouton... Mais au moins, Nadia Tranchemontagne, l'arbitre de la soirée, a quand même pris la peine de dire pendant le match « Je ne tolérerai pas de blagues de sauf une fois au chalet. » Oui. Pourtant. Elle a dit, c'était clair. Ah, pour vrai? Parce qu'au joke une bière, je crois qu'il y avait des blagues de ça. Oui. Ouais. Ouais, ouais. Une blague et une bière, excuse-moi. Il y a eu, ouais, il y a eu une expulsion ouais. À cause de ça, mais c'était sans prévu. Ceci étant dit, bon, ouais. le match s'est déroulé rondement. Oui, ça c'était un extrêmement long on match. On a un petit tournoi à braquettes, en fait. Donc, braquettes? À la finale. Il y avait plus d'équipes que prévu. Oui, oui, oui, oui. Donc, la finale, c'était trois assauts. Oui. Et puis on prenait la préférée des trois. Et si je me trompe pas, c'est Récréo qui a gagné. Ma feuille est de l'autre côté dans l'autre local. Il me semble que mais c'est oui, aussi, oui, hein. Avec Joe Côté et puis. Ah, c'est Adair et Créo. Je dois dire ouais. Que Gabriel Béhoud fait un excellent prêtre. Ah, ah. C'est un des seuls sketchs que j'ai vu. Ah oui, ouais, j'ai ouais. Puisé dans mon passé. Ouais, j'ai remarqué. Oui. Wow, dans son passé de. Ouais. De prêtre, oui. Bref. C'est ça. Donc, le match de carnaval, c'est jamais le match le plus marquant de l'année, mais c'est un, non, un mais match c'est le faut aller voir. Oui, oui, c'est le oui. Fun. Si vous êtes dans les environs, ça se passe au 10-12 d'une grande salle. Mm-hmm. Il y a plein de monde qui se présente. On là, voit du monde patiner puis... en masse. Exactement, ça patine. Ça fait que c'est plaisant. Puis on a fini par dire aux gens d'encourager parce qu'il y avait... Il y avait ah oui, on avait des gens qui applaudissaient comme en nager. Ah oui, en nager. Ils applaudissaient ça, avec les... Ça, c'est des gars d'ingénierie, hein, parce qu'il y avait des chiennes oranges. Oui, avec les mains dans les airs, là, juste faire aller ses mains dans les airs, c'est un signe de respect dans les assemblées générales pour ouais. Ne pas déranger le déroulement de la soirée. Mm-hmm. Mais dans un match d'impro, ça fait que chaque gag tombe à plat complètement. Ça ou, mais en fait, j'ai pas trouvé son point très contradictoire parce ouais, qu'il disait qu'on n'entendait pas sinon si les gens riaient. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est très grand le 10-12. Oui, en effet. Puis c'était pas. C'est vrai, mais super, pour les improvisateurs, de pas avoir d'applaudissements et de rire, c'est comme pas avoir de public pour un humoriste. Ouais. Exactement. Ben moi, ça m'a fait me poser une question. À quelle fréquence vous pensez qu'ils lavent ça, le chien orange? Hey, moi, je parce me qu'on suis dirait qu'ils les ont tout le temps. C'est vrai. Genre, lundi matin, 8h, je suis en chien orange. Il y en a ça 5, genre une pour chaque fois de la je semaine. Je sais pas. Ils ont des patchs là-dessus, mon ami. Casserole, Valvoline, Iron Maiden. Ouais, ils ont ouais. Des patchs au coton. Puis en tout cas. Moi, je me suis posé la question, est-ce que vous pensez qu'il a lavé son chapeau de panda? Parce qu'il a vraiment passé tout le carnaval avec dessus. Ah, ça, non. Sur la pas. Tête. Ah. Même au Beer Fest. Ils se sont passés de personne en personne, probablement, puis ça doit sentir. Là. Ouais. C'est. Ça ouais. Doit sentir l'ingénieur. Hein. Les vraies questions, t'es là pour ça, Gabriel. Oui. Donc, le match du carnaval, chaque année, ça change de jour et d'heure, là, donc soyez au courant ouais, pendant le carnaval l'année prochaine. Donc, c'est ça. Voilà. Ensuite, dimanche soir, à Shawinigan avait lieu le match contre le Mythe. Eh oui, toi. Ça, c'était excitant pas mal parce que c'était à Wabasso, shop du trou du diable, du shop de Wabasso. De hey, c'était la première fois que je mettais les pieds là. C'est beau en désespoir. C'est beau, en oui. Désespoir. C'est tout immense. En sac à papier. Le local, en fait, où les gens peuvent s'asseoir et puis boire une bière et écouter de l'improvisation, c'est peut-être à peu près gros comme la chasse. Ben, tu peux plus gros, peut-être. Ben, tu sais, moi, je compare vraiment comme si la portion bar était quasiment comme l'étage à la rue du temps de Pint. Ouais. Un peu. Faites plus sur le long. Ouais. Et le deuxième étage du temps d'une pinte, c'est un peu comme ce qu'il y a à côté dans Wabasso. Parce que tu vois vraiment pareil là, les appareils pour faire la bière. Ouais, ouais, exact. Fait que c'est un peu comme si les deux étages du temps d'une pinte étaient combinés puis mis à terre. Achaoui. Achaoui. Puis faites sur le long. Compliqué, pareil. Compliqué comme exemple, hein? Mais ça, dans ma tête, ça a du sens. C'est une super belle salle, en fait, pour faire de l'impro. Par contre, il y a vraiment la scène est parfaitement placé. Moi, en tout cas, j'ai bien apprécié ça. Mais c'était un style particulier, Mathieu. Absolument, c'était du 2 contre 2. Oui. Plus un Joker. Oui, le Joker. Ce qui est quand même excitant. Le système du Joker, moi, je le prendrais n'importe quand. Ah, moi, je trouve ça cool. C'est vraiment le fun parce que le Joker peut venir jouer sur les improvisations des deux. Dans le fond, le système, c'était deux joueurs à la fois de... Attends. En fait, il y avait deux joueurs de la mythe, deux joueurs... De la lutte qui s'affrontaient. Ben, oui. En fait, qui jouaient ensemble. Ils jouaient ensemble, soit un mix ou en comparé. Est-ce qu'il y avait des mix ou des comparés? Oui, il y avait les deux. Ça, ouais. Et puis, c'est ça. Ils jouaient ensemble, sage contre. Et puis, le Joker, lui, prenait part, dans le fond, au caucus, si ça y tentait. Oui. Il y avait le droit. Dans le fond, les caucus se passaient séparément. Exact. Mais le Joker pouvait. Il se baladait entre les deux. Puis le Joker, en fait, il n'y a aucune allégeance. C'est-à-dire que lui, il s'en fout. Dans le fond, son rôle, c'est un peu de. Outre la mer. Oui, si ça y tente de faire que le mythe, mettons que c'est un Joker de la lutte, oui. Dans ce cas-là, Nadia Tranchemontagne, elle aurait pu essayer de gâcher les impros du mythe. Oui. Oui. C'est ça. Donc, c'est ça. Ben, d'aider en fait, la lutte. Ouais. C'est ça. C'était le rôle, en fait, du Joker. Joker. Et puis, ben, ça s'est déroulé en deux parties. Donc, le premier duo qui représentait la lutte, c'était moi et Vanessa Fortier. Ouais. Et puis, on avait la majorité à la mi-temps. Donc, ça a quand même bien été en c'est première ça. Partie. Ben, ouais. La majorité à la mi-temps. J'ai pas compris le système parce qu'à la fin. Continue. Ben, c'est ça. À la mi-temps, on avait la majorité. Donc, pour la deuxième partie du spectacle, c'était deux nouveaux duos. Les mythes avaient réservé probablement un de le duo étoile parce qu'il était vraiment fort et vraiment comique, ces gars-là. Et puis, ben, c'est ça. Puis, ben, nous aussi, on avait un très bon duo. C'est-à-dire, on avait Francis Dugré-Lampon et puis Alexandrine Pichessire, qui représentait la lutte en deuxième partie. Donc, c'était notre duo de recrues. C'était vraiment le fun. Ouais. Hein. J'aimais de les voir se débrouiller là, à deux. Et vous avez et votre puis... Joker en deuxième partie. Donc exact. Donc, c'est en deuxième. C'est en plein ça. Là, pardonnez-moi, les gens de la mythe à l'écoute, je me rappelle plus des noms des improvisateurs. Ouais, c'est ben, moi non plus. J'ai genre une mémoire des noms qui est vraiment pas très bonne. Donc, on pardonne, mais c'était évidemment un Joker du mythe en première partie. Oui, oui. Aussi. Donc, on a pu voir des excellentes improvisations. Et puis, eux, ben, ils ont un style justement très particulier. On a vu une impro que j'ai trouvé quand même le fun. Puis, je l'avais vu venir. C'est en fait quatre bandes-annonces. Ah. Donc, chaque équipe faisait deux bandes-annonces pour un film. Une 30 secondes, genre. Exact. Ouais. Donc, comme une pub qu'on pourrait voir à la télé. Et puis ensuite, le public votait. Votait pour la meilleure bande-annonce. Oui. Et puis, ben, on faisait une impro de 4 minutes à partir de cette bande-annonce-là. Excellente idée, ça. Donc, on a justement pu voir une impro avec beaucoup de chats. C'était quand même pas possible. C'est vrai. Il y avait aussi des classiques, là, la version où on fait une impro en 3 minutes, après ça, on la refait en 1 minute 30, après ça, en 45 secondes, et après ça, en 15 secondes. C'était super le fun. Ouais. T'avais le contraire aussi, c'était d'ambitionner à chaque fois. Donc, c'était de plus en plus long. Ouais, c'était le fun d'exagérer ce qui se passe. Ça. C'était vraiment cool. On a le droit à un bulletin météo. Au départ, bien ordinaire, puis à la fin, ultra trop sexy, puis c'était le bordel raide. Exactement. Donc, un bon match. La foule a aimé ça. C'était rempli. Il y avait plus aucune capacité, place. Capacité, ouais. Nous, il a fallu qu'on sorte des chaises additionnelles, puis qu'on s'assoie dans le portique. Exact. J'entendais les gens, ce qu'ils disaient aux toilettes. Ouais. Tellement je suis arrivé à la fin avec mon groupe. Vive le restaurant où nous sommes allés, où le service était particulièrement lent. Hein? Ouais. Ouais. Mais bon, on les salue quand même. Oui, bonjour. Bonjour à vous. Donc ça, c'était dimanche soir à Shawinigan. Wabasso, Shop du Trou du Diable, du Wabasso du Shop du Trou. Maison. Du Diable, du... Ouais. C'est ça. Après ça, là, fini les fla-fla et les matchs hétéroclites par rapport. Là, c'est la vraie pétanque. Là, le curling s'est fait aller le balai. It's that way. It's that way, please. Et on avait justement notre reporter sur le terrain. Oui. Lors du match de lundi soir, hier. Ben oui, toi. Il s'appelle Gabriel Boutant-Tréhoud. C'est ça. Et voici mardi, lundi soir, le matin, le mardi du matin. Le soir, le matin. C'est ça. Allez, allez, allez! Vous écoutez lundi soir, le matin, la chronique sur l'impro universitaire. Hello, it's me. Alors, je suis au 10-12 de l'AGE UQTR, de l'UQTR, pour un match de la Luître à la Chasse Galerie. Alors, ce match oppose les vénérables bleus aux tout aussi vénérables verts. Les capitaines sont Vincent Rainville et Nadia. Bon match. Face à face. Je suis avec Vincent Rainville. Vincent, c'est la première fois que vous jouez contre les Verts depuis Noël. Qu'est-ce que ça fait? Écoute, en fait, plus que ça, on n'a pas joué depuis Noël. Donc, ça fait déjà quasiment un mois qu'on n'a pas joué, plus quasiment 2 mois. Donc, on espère pas être trop rouillé, mais on a fait le plein d'énergie pendant les vacances de Noël. Fait qu'on va arriver en feu. Tabarnouche! Ah, oh, ça brise toutes mes 5 autres questions. Frédéric Simon, votre sub va jouer? Oui, c'est une belle question. Effectivement, c'est son premier match régulier. On a bien hâte. Il a fait quelques matchs spéciaux. Ça a super bien été. Là, on a hâte de le mettre à l'épreuve pour de vrai là, dans un match régulier. On va y donner du fil à retordre un peu. Là. Oh là là là là là là. Fil à retordre comme la joueuse des Verts. Magali Brousseau Arcande, qui est de retour de stage. Qu'est-ce que vous attendez de sa part de elle? Ah, je pense qu'elle va amener beaucoup d'énergie sur la patinoire, donc on va devoir rehausser notre jeu avec beaucoup d'énergie nous aussi si on veut être capable de suivre ce qu'elle va nous imposer, mais j'ai bien hâte de jouer avec. Ça donne toujours des très beaux matchs. Eh bien, bon match. Ben, merci beaucoup. Face à face. Ah, vous pouvez cesser de la chercher. Elle est de retour pour nous jouer... Mato, Magali Brousseau-Arcand. Pourquoi t'étais pas là, donc? Alors, je vais vous expliquer très calmement pourquoi je n'étais pas là pendant la moitié de la saison dernière. C'est que ma calice d'équipe de marde ne me plaisait pas, alors j'ai pris un petit break, question de décompresser. En fait, c'est cela. Et Magali Arcand Brousse. Qu'est-ce qui motive un retour au jeu avec cette équipe? En fait, j'avais pas le choix. Si j'aurais pu choisir une autre équipe dans la Luitre, j'aurais choisi n'importe quelle autre. Mais comme j'étais attitrée déjà au Vert, et malheureusement, selon les règlements de la Luitre, on n'a pas le droit de changer d'équipe à mi-saison. Donc malheureusement, je suis toujours pris dans cette équipe. Oui, oui, oui, oui. Magali, d'abord, bon match, et puis bonne demi-saison en espérant que tout aille avec le plaisir. Oh, merci beaucoup. Alors, je suis déjà comblée parce que je sais qu'on va faire les demi-finales. C'est incroyable. En 4 ans d'improvisation dans la Luitre, jamais je ne m'étais rendue en demi-finale. Alors, c'est incroyable. Alors, c'est déjà le summum pour moi. Alors, merci beaucoup d'être fidèle. Bonne chance. Je suis avec François Dugré-Lampry. Francis Dugré-Lampron. C'est ça. Francis, l'étoile de l'arbitre pour toi ce soir. Francis... J'ai eu une étoile? De l'arbitre. Oh mon Dieu! Comment... Oh mon Dieu! J'ai eu une étoile! Comment on se sent, Francis? Je le sais pas! Je la méritais pas, j'ai rien fait! Dans ce cas-là, devrions peut-être aller à une révision, Francis. Non, ça va. Non, je suis d'accord avec l'étoile. Ok, Crissement meilleur. Comment comptes-tu célébrer cette chose? Ça va passer en ondes, ça? Oui. Ben, c'est ça, là. Ah! Bonne fin de saison avec les Verts, Francis Dugré-Lampry. Lampron. François Dugré-Lampry. On va dire que c'est correct. Salut! Salut! Parce qu'il m'arrive, on dirait que le monde est en train de changer. Je me suis peut-être fait des idées, je suis pas de celui que j'étais. Pokémon! Ah, oh, merci. À chaque fois. T'es vraiment drôle là-dessus. On dirait ça, pour vrai. C'est pareil. C'est fou. Donc, Gabriel Boutantrain-Houd. Hey, salut. Salut, qui était ce reporter sur le terrain. Oui. En direct hier soir, lundi. Oui, oui, oui. Oui. Au 10-12. Oui. Bien sûr. D'où le fond qu'on entendait de 10-12. Ouais, la ventilation turbo-ventile. Turbo-ventile. Ah, d'après moi, le 10-12 fait de l'asthme ou quelque chose. Probablement. Donc, parlons-en du match d'hier qui opposait les Bleus contre les Verts. Moi, j'aimerais ça commencer, Mathieu, avec une chose inédite. C'est la Luit s'est payée une nouvelle POC avec Antoine Lacasse. Et puis moi, je dois avouer que j'étais ébobi devant cette POC. C'est vraiment une nouvelle POC. Oui. On avait besoin d'une nouvelle POC. Incroyable. C'est dans le budget. La cruche a servi à acheter une nouvelle rondelle. J'espère, en tout cas, parce que ça a dû coûter... J'aurais pu aller demander aux Pats. Ça a dû coûter plusieurs milliers de dollars, en plus, cette POC-là, parce que c'est une POC de... Nul autre que Mario Lemieux, le meilleur pointeur par match de la Ligue nationale. Ça veut dire qu'une gomme, parce que d'habitude, les affaires de hockey, ça veut dire qu'une gomme pour moi. Des machines. Pas de gomme. Non. Ou une carte à échanger. Ben, c'est ça. Les cartes à jouer, ça venait avec de la gomme. Ben oui, des machines. Ah. À je sais pas combien de dollars. Ça va pas bien. Je sais pas, moi, ça. J'aimais ça. C'était pour la gomme. Ah. En tout cas. Bref. C'est ça, c'était les Bleus contre les Verts hier. Ouais. Donc, évidemment, parmi nos joueurs, il y avait des gens de renom. Ah oui. Comme Marc-André Marion Flamand. Oui. Fred Simon qui a joué en remplacement de Frédéric Bernard. Oui. Donc, un Fred pour un Fred. Principe de Lavoisier. C'est ça. Vanessa Fortier qui arrêtait pas de passer proche à décrocher. Oui. Ça arrêtait pas. Mais ça, c'est un classique. Évidemment. Mais quoique, je regarde ça, puis quelqu'un d'autre s'est fait donner. C'est pas Francis Dugré-Lampron? Ça attend un peu. Ça sur une réplique au bol. Décrochage pour Magali dans l'intro sur Jackie. Ah, ça, je sais pas. En tout cas, bref, peu importe. Vincent Rainville comme capitaine, bien sûr. Ben oui. Qui était en feu, tu l'as dit pendant. Oh, il était vraiment là. D'ailleurs, j'aimerais souligner une improvisation en particulier. Okay. Un discours épique. Oui. Donc, ça, c'est le genre d'impro où, en fait, t'es seul devant le stage. Avec une musique de fond. Oui. Et dramatique. Oui, dramatique ou... Dans ce cas-ci, drôle. On a vu un autre impro où le discours épique où la musique était comme comique, genre Club Med un peu. Genre. Mais, Vincent nous a fait un speech sur les difficultés de vivre avec une allergie au gluten. Mais ça, c'est venu comme par surprise. Parce ouais, après une minute trente, on savait toujours pas pourquoi il filait pas pantoute, t'sais. C'est très réussi. C'est vraiment la catégorie où t'as pas su d'envoyer Vincent Rainville. Ouais, c'est une bombe. C'est ça. Donc ça, c'était du côté, évidemment, des Bleus. Oui. Ensuite, du côté des Verts, on avait Francis Dugré-Lampron, une recrue qui se fait remarquer pas mal cette année. Ouais, il était au mythe aussi. Oui. Puis deux soirs d'impôt collés, deux soirs de très belles performances. Ben, non seulement lui a fait deux soirs collés, mais Vanessa Fortier avait fait, elle a animé le carnaval, elle a fait le mythe dimanche, elle a joué lundi et elle va rejouer la semaine prochaine. Oui, puis elle joue ce soir à la Lime. À la Lime en plus, incroyable. Magali Brousseau-Arcand, l'arme secrète des Verts. Oui, on discutait justement de ça. Moi, je pense que le retour de Magali va peut-être donner ben du jeu au vert, notamment, ben, regarde, ils ont gagné hier, hein. Ben, tu sais. Donc, Le punch de la fin, là, tu sais. Hein? Mais Magali, c'est un rock. En fait, je pense que peu importe l'équipe dans laquelle elle a été ou que j'ai vu, elle fait office de ciment. De ciment. Ouais. De ciment. C'est bien dit, quand ça, même. Ça veut dire qu'elle lit les joueurs? Elle lit les joueurs. Ouais. Elle est solide. Elle est solide. C'est ouais. ça. Elle graffine les genoux quand tu tombes dessus. Oui. Oh. Samuel Desjardins, qui lui aussi fait un discours épique. Oui. Cool, Samuel Desjardins, il se démarque pas mal aussi. Oui, quand même, oui, une très bonne première saison dans la Un bon gagger. Oui. Bon gagger. Vincent Boisvert était pas là, donc ça, c'est le substitut. Non, exact. Nadia Tranchemontagne, capitaine, bien sûr. Ben oui. Elle qui aussi a joué beaucoup, elle était elle était au carnaval en tant qu'arbitre. Mm-hmm. Une femme présente en ce moment, pas mal. Très bon gag lors du carnaval, hein. Tout ce qu'elle pouvait dire, tout ce qui sortait de sa bouche était très drôle. Très drôle. Ouais, comique, Nadia. Donc ça, c'est les gens qui ont joué avec, évidemment, comme Antoine Lacasse était notre arbitre, c'était un match toujours plus funny. Ben oui. Il lui trouve des styles, il ramène tout le temps les Antoine classiques. Antoine a beaucoup de catégories. Oui, j'ai beaucoup. Ben, moi, j'aime ça, les catégories comme ça. Ça donne un petit peu une variété. Moi, ce que j'aime bien, c'est justement le roulement à trois arbitres parce que il y a des arbitres qui préfèrent mettre beaucoup de libre. Oui. Ça laisse justement le libre cours à l'imagination. Mais d'avoir plus de contraintes aussi, des fois, ben, ça fait changement. Puis, moi, j'ai un petit peu de trouble de déficit d'attention, truc. Là. J'ai besoin d'avoir une variété dans mes impros. J'ai besoin d'avoir des impros courtes. J'aime ça. Antoine fait beaucoup d'impros quickie. C'est le fun. Des quickie. J'aime ça. En tout cas, bref, J'aime bien ça. J'aime ce que tout le monde fait, mais Antoine, vu que c'est sa première année, il faut bien l'encourager. Ben, sur l'habitude. Hein? On se dit. Lâche pas, Antoine. Let's go. Let's go, t'es beau. Oui. Je sais pas quoi. Bref. Sinon, qu'est-ce qu'on retient du match d'hier? Ben, c'était 19. Ça finit 19. Ouais. Voilà. Pour les verts, comme tu l'as dit tantôt. Ouais. Moi, évidemment, je retiens mes gags à l'annulation. Là. On a parlé beaucoup de Cogeco sur demande and chill. Ça m'a fait rire, moi. Hein, Tania? Quoi? C'est la nouveauté de cette année, 2016. Lâche parti. Excuse. Au lieu de j'ai en train de préparer ma... Quoi? Ah! C'est la variante trifluvienne de Netflix and chill. Ouh! C'est Cogeco sur demande and chill. Oui, Cogeco sur demande and chill. Moi, j'ai appris aussi que... avec Alex Marchand, qu'un caméléon, c'est zéro impressionnant. C'est ça, oui, oui. Okay. Qu'est-ce qu'un caméléon? Un caméléon. Ah, un caméléon. Caméléon, excusez. Un camion, ça, c'était quand même impressionnant. Oui. C'est par du modèle et de la marque. Oui, c'est ça. Oui. Minivan, oui. Mm-hmm. Ouais. Est-ce, vous, mettons, là, votre véhicule de rêve, mettons, là, si vous étiez comme... oh là là. Riche, mettons. Riche à mort? C'est ouais. Difficile. Un petit riche à mort, là. À mort, à mort, à mort. Les petits Hot Wheels, mais version grandeur nature. Oh, Lamborghini. C'est une bonne question, ça. Char de Barbie. Une Lamborghini. Une char de Barbie. Mais ben, c'est version... pas un char de Barbie. Ça, c'était des Corvettes dans le temps. Un Hummer. Moi, j'avais une Corvette rose de Barbie. Malade Corvette. Hey, Corvette, là, on s'entend-tu qu'il n'y a pas de Corvette à Trois-Rivières, le magasin? Non. Non, non, non, il n'y en a pas. Pensez-y. Non, mais le siège. C'est-tu le siège social? C'est un siège social. Comment ça fait qu'il n'y a pas de magasin à côté du siège social, yo, bro? Hein? Ouais. C'est Corvette, une bonne question, là. Faudrait leur demander. Corvette, c'est comme un Rossi, mais avec un peu plus de cash. Hein. J'allais demander, Rossi, là. Y a-tu du monde qui va là pour vrai? Ben, Rossi, c'est mettons. Fini. C'est fermé, non? Pas tout. Il est fermé au Cap, mais il en reste un à Trois-Rivières, je pense. Ah ouais? Tu sais, mettons que t'as besoin d'une paire de bottes d'eau ou bedon d'une douillette en polar. C'est vrai. Tu vas chez Rossi. C'est là que ça se passe. Ou chez Winners. Moi, chez Rossi, c'est les barres de chocolat, ça va vraiment pas cher. Ah, ou des boîtes de cachou tout pété. Oui. Tu payes ça, genre 2$ au lieu de 6. Mais en même temps, 6 grammes de cachou pété. Non, je sais. Tu sais, ça se passe pareil. Mais ça, tu remarqueras la différence. Il y a les gens, tu sais, les planters. La les boîte planters. Qui est marquée cachou. Le ou l'autre qui est avec des lunettes, l'arachide avec des lunettes, ce planters. Ouais. Ouais. Ou l'autre, au côté, l'autre boîte qui est genre la moitié du prix, c'est marqué collation de cachou. La différence, il y en a un qui est pété, pas l'autre. Oh, okay. C'est vraiment la seule différence. Ok, alors, je savais pas ça. Comme quand tu disais à une fille, m'a pété la collation. Ouais. Oh! Oui, j'espère que tu dis pas ça trop souvent. Non, ben non. Jamais. Ça implique que tu lui rends 1000 miettes. C'est ça. Mais au moins tu y remets. Chérie, à soir, je te pète la collation. Au moins tu y remets. Mm-hmm. Ouais. Ah, c'est troublant. Ben quoi? Non, tu devrais pas me dire que t'as jamais mangé une petite collation avant de te coucher. Et que t'es prude, hein? Jamais. Ah! Oh. Mm-hmm. Elle dira pas. C'est quoi la meilleure collation avant de se coucher? Ben, une vraie collation. ok, excuse-moi. Ok. Une salade de fruits, encore une fois, des cerises. Hein? Pas des cerises, d'ailleurs. Des cerises. Avec la queue. Un gravado. Comment? Un grand grano? J'ai dit un grand... Comment? Un grand verre d'eau. Ok, excuse-moi, tu marmonnais, fait que... Aïe. Un grand grano, non, c'est l'indice pas trop mon humidex nom. Du studio augmente, mesdames et messieurs. Ok, studio, je ne sais pas où tu t'en allais avec ça. Moi non plus. C'était un petit peu la brousse. Hey. De toi, Gab, c'est quoi ta collation préférée avant de te coucher? Ben, quelque chose fait main, là, mettons. Quelque chose fait main. Attends, du poulet PFK, bon, ça lâche les doigts. Ben ouais, c'est ça. Un petit sandwich. Mais ça, c'est vrai que c'est bon. C'est vrai. Moi, le monde qui dit la petite peau. C'est dégueulasse. La petite peau grasse. Grasse. Ou la petite sauce en mouton, là. C'est ça. Hey, vous voulez même pas savoir comment ils font la sauce, c'est dégueulasse. Non, ouais, en fait, non. J'ai moi, un ami qui travaillait là quand j'étais au secondaire, okay. Et le secret de la sauce, c'est dégoûtant. Ah, wow, ok. Ouais. C'est, comment dire, c'est patate, salade de patate. Salade de patate. Elle est bonne, la salade de patate. Non, mais c'est ouais, pas mal. Ah, ouais, la salade de patate est bonne chez PFK. Ben, tout est bon. La salade de choux, je me souviens que la salade de choux était, fluo, était très bonne. Oui, mais c'est pas ça, genre, qu'ils disent de pas manger sinon t'as mal au cœur après avoir mangé du PFK? Ben c'est oui. Ça. Hey, mon frère avait fait une crise d'appendice après avoir mangé du PFK. Ah, moi aussi, j'ai entendu des histoires de même. C'est le père de mon ami, c'était commandé du PFK, genre, comme repas à son c'est travail. C'est tellement gras que ça engendre des... C'est ça. Puis lui, le lendemain, il a fait une pierre au rein. Ah ouais, le gars est en shape, là, il mange pas genre des chips ou des grosses cochonneries. Wow. Il a mangé du PFK une fois à pierre au rein. C'est terrible. Ça a l'air que c'est la douleur la plus intense que le corps est capable de... Ça fait mal. C'est comme une pierre dans la vésicule biliaire. Ça doit-tu faire mal? Wow. C'est terrible. On a établi précédemment à l'émission que Tania n'a pas de vésicule biliaire. Exact. Donc, tu peux plus manger de PFK, moi, en fait. Mais ça veut dire que tu peux pas avoir de pierre sur la vésicule biliaire. Aussi. C'est-à-dire que je peux plus avoir de pierre sur la vis cubillaire parce qu'ils m'ont enlevé la vis cubillaire. Mais donc, tu peux pas manger de PFK? Non. Si je mange du PFK, je vais pas filer parce qu'en fait, mon estomac le digère pas. Wow. Parce que ça s'en va dans la vis cubillaire en temps normal. C'est un handicap, ça. Elle n'a pas le plaisir c'est d'avoir du PFK une fois par année, c'est ça? Ouais, c'est à peu près ça que c'est tout ensemble. Non, mais je suis pas censé boire non plus. OK! Fait que c'est pas parce que tu peux pas que tu le fais pas. C'est ça. Quand j'ai consommé devant Netflix. Exactement. Ouais. Bon. Moi, ça. Ouais. C'était, ben, moi, je suis vraiment compatible pour toi, là. Merci. C'est gentil. Tu peux pas manger grand-chose, ça veut dire? Mais en temps normal, c'est quelque chose qui arrive aux personnes qui sont plus âgées. Tu sais, exemple, dans la cinquantaine, dans la quarantaine, parce que c'est après certains abus ou peu importe. Puis quand je me l'ai fait enlever, on me l'a dit, t'es vraiment très jeune pour te faire enlever la vis cubillaire. Dans ce temps-là, tu réponds, live fast, die young, YOLO. 50 cents. En fait, je me suis restreint sur les commentaires à ce moment-là. Ouais, sans commentaire. Exact. Voilà. Merci, Gabriel Béhoud. Ça me fait plaisir. On a passé un bon petit moment. Oui. Encore ensemble. Fait que là, moi, je m'en vais me claquer un coup double. Là. Ah, y en a-tu en ce moment? Ça veut dire un café double? Non. Non, c'est la mugger faite avec des boulettes de poulet. C'est comme il n'y a pas de pain. C'est comme deux boulettes. C'est PFK? Oui. Comme on dit, no pain, no gain. Hein? Et voilà. Ça veut dire que t'as vraiment tous les doigts gras. Là. Ben oui, mais là. Hein? Mais c'est délicieux. C'est une collation, c'est les gars ont pas l'air de trop s'en plaindre. On te retrouve la semaine prochaine. Oui. Mardi à 8h30. Le lendemain du match rouge contre bleu. Bien sûr, qui sera lundi prochain, 20h, chasse galerie gratuit. Oui. Bonne journée, Gab Béhoud. Bonne journée, Gab. Salut. On prend une pause. Au retour, ça va être le moment de se faire divertir, se faire collationner le reste de notre journée. On va en avoir pour notre fin. Comment on l'appelle? D'Antonia is gonna entertain you. Restez là. Sondage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Vous êtes assez fait, assez fait, assez fait, assez fait, assez fait, assez fait. 89. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Assemblage Reiki. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage Reiki. Vous êtes à Assemblage Reiki, on est mardi 2 février 2016, elle est Tania Baudin. Avec, Mathieu Plante. Oui, pas mal sûr que c'est ça. Je pense Dernières nouvelles, c'était ça. On confirme pendant la prochaine chanson, puis après ça, on va s'en assurer. Donc, dans quelques minutes, ce sera Tania is gonna entertain ya, mais avant ça, on écoute une pièce de Mordicus. Nouvel extrait du palmarès depuis la semaine passée, donc deuxième semaine de présence, voici Granville. Assemblage Rocky! Personne. Mordicus, c'est Grandville, assemblage requis. Maintenant, Tania Baudin. Mm-hmm, c'est bien moi. C'est toi, ça. C'est aux dernières nouvelles, c'était moi. Ouais, est-ce qu'on a confirmé que c'était Mathieu Plante, mon nom? Oui, je pense qu'on a confirmé. OK. Donc voici Tania, it's gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna entertain ya. Tam, tam, tam, tam. Tania Baudin. Je me rappelle déjà pas de ce que tu nous as dit que tu nous irais dans ta chronique. Tu l'as dit au début de l'émission. Hey, le point, c'est que je l'ai lâché dans la chronique à Gabriel. C'est ridicule comment j'ai pas de mémoire à court terme. C'est fou, hein? L'autre fois, Caroline Fillion du carnaval m'a demandé cette maladie. Je me la demande. Peut-être. Je suis pas capable de retenir à court terme du tout. Peut-être. Va voir un médecin. Ça existe, hein, le manque de mémoire à court terme. Okay. En temps normal, ça arrive après un caillot au cerveau, mais écoute... OK. je dis ça comme ça. Merci de me rassurer, ça Tania. Ça fait plaisir. Mathieu, est-ce que tu t'es déjà fait opérer? Oui. Pourquoi? Un streptocoque de type, je crois, B. Bon, finalement, t'as encore ton appendice. J'ai failli mourir. Oh, mon Dieu, c'est triste. Oui, j'ai encore mon appendice. Je crois que j'ai encore mon appendice. Parce qu'aujourd'hui, c'est de ça que je vous parle. Okay. Je vous parle de l'appendice, ce petit bout de peau. Ou... Oui. Ce petit bout du gros intestin qui mesure à peu près 5 à 12 cm. Okay. Un petit animal de compagnie à l'intérieur de nous. Exactement. En fait, il y a plusieurs personnes qui n'ont plus leur appendice après se l'avoir fait extraire <Voilà. rire> ou se l'avoir fait enlever, disons-le comme ça. Mais en fait, peut-être qu'on pourrait se rendre compte présentement que l'appendice a une fonction. Ça me semble que si c'est là, ça doit servir. Ben, à vous, hein? Hein? Puis, pourtant, on dit que c'est pas très grave de se faire. De subir une ablation de l'appendice. Ça parce peut que ne pas être grave, tout en ayant l'utilité quand même. Exactement. Ouais. Mais, sachez que il y a de récentes études qui nous ont fait découvrir que oui, l'appendice, ça sert à quelque chose. Et je suis là, ce matin, avec vous. Pour démystifier tout ça. C'est la première d'une série d'articles. Tu vas nous faire l'amidale, j'imagine, à un moment donné. Oui, c'est ça, exactement. La biscuit billard va suivre la semaine oui, prochaine. Voilà. Enfin, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on se fait extraire l'ablation, l'appendice. Pourquoi on subit une ablation de l'appendice? Ben, c'est bien souvent à la suite d'une inflammation de ce petit bout d'intestin, comme je le disais, qui va faire en sorte que ça va nous amener à aller à l'hôpital parce que ça fait beaucoup trop mal okay. au ventre. Et c'est ce qui donne l'alerte, en fait, au médecin de dire « Ha, ha, ha, appendice, allons enlever ce petit bout-là. » Mais comment tu fais pour savoir si t'as encore ton appendice? Hein? C'est ça la question. Tu t'es pas fait enlever l'appendice. Ouais, j'imagine qu'il faut que tu demandes à tes parents parce que je te dis, j'ai pas de mémoire. Ben, tu le verrais, t'aurais des cicatrices. J'aurais des cicatrices, ben je me suis pas fait enlever l'appendice. OK. Hein? Oui, bon. Voilà. Et pour problème les gens réglé. Qui aimeraient savoir où se situe l'appendice, bien en fait, c'est pas très très compliqué. Vous savez le mouvement que les surfeurs font? Le pouce et le petit doigt. Exactement, le pouce et le petit doigt. Écartillez ça. Vous écartillez hein? ça, vous mettez le bout du pouce dans le nombril okay. et vous allez mettre votre petit doigt en oblique vers le bas. En oblique vers le bas, du côté gauche ou droite? Du côté droit. OK. Donc, l'appendice, avec la c'est main du droite, côté ça va droite. Okay. Oui, exactement. Donc, c'est quasiment... c'est juste un petit peu au-dessus de la hanche. Hanche, oui. Exact. Ça arrive près de là, en okay, fait. Okay. C'est tout près de la viscule biliaire. Ah, oh, wow. Pour ceux que ça vous... Hey, tu connais, c'est comme si tu avais été genre guide touristique pour ton corps. Exactement. Ou que j'avais été en médecine, mais non. Mais non. Voilà. Non, non, non. Il faut savoir, par contre, que l'appendice, avant de découvrir qu'elle avait vraiment une fonction, elle avait déjà... une utilité dans notre système, okay. bien évidemment, parce que je pense qu'il n'y a pas rien dans notre système qui fait pas grand-chose. Ah, c'est un morceau qui a mis bonus, là, tu sais, comme Ikea, ils mettent une vis de plus. Bon, ouais. ça restait, fait qu'on a décidé de le laisser pour pas l'enlever. en fait, ça fabrique des immunoglobulines. D'accord. Qu'est-ce que des immunoglobulines? Un nouveau prénom pour 2016. C'est ça, là, je m'apprends pour Justine. Ce sont des protéines qui jouent un rôle vraiment important dans la défense de l'organisme. Par contre, il y a plusieurs autres organes dans notre système qui font cette fabrication-là. Donc, c'est pourquoi une ablation de l'appendice, en fait, c'est pas trop un problème. C'est pourquoi la plupart du temps, les docteurs les médecins vont dire, ben on va t'enlever la viscule, pas la viscule, l'appendice, parce qu'en fait, comme je l'ai dit, la fabrication d'immunoglobine, il y a d'autres organes dans le système qui le font. Donc, de ce côté-là, c'est pas quelque chose qui va manquer à votre système, il faut savoir, là. Donc, de ce côté-là, capotez pas si vous avez plus d'appendice. Ouais. Vos organes, quand même, en génèrent et en fabriquent de ces protéines-là. Par contre, ça fait maintenant 10 ans que M. William Parker et M. Randall Boilinger de, je vais juste retrouver l'institut exact et ne pas me tromper, de l'Université de Duke à Durham, en Caroline du Nord, aux États-Unis, travaillent sur, comment je pourrais dire, étudient plutôt, pas travail, mais étudient vraiment la structure de l'appendice et surtout la membrane, c'est-à-dire le biofilm du tube digestif. OK? Oui. Donc, je vous explique. Oh, s'il te plaît, parce que là, c'était des beaux mots, en tout cas. En fait, pour eux, ils trouvaient que de dire que l'appendice ne servait pas à grand-chose, c'était beaucoup trop simpliste. Oui. Ils se sont dit, comme la plupart de nous tous, si c'est dans notre corps, c'est parce que, bien évidemment, ça a une fonction. Cherchons un peu plus loin. Exactement. Et ils se sont vraiment mis sur le sujet du biofilm, comme je vous expliquais, qui est autour du tube digestif. Qu'est-ce que le biofilm? Mais c'est pas très, très compliqué. C'est une couche de mucus où se prospèrent vraiment de nombreuses bactéries et dans lesquelles on retrouve aussi des molécules qui sont issues du système immunitaire. Donc, ce biofilm-là, en temps normal, vient renforcer notre système immunitaire. Eux, pendant 10 ans, se consacrent à ça. Tu sais, il y en a qui trippent ses... tu sais, qui sont pas diables parce qu'ils trippent ses pieds. Oui, c'est ça. Les autres, ils trippent bien gros sur ce petit morceau-là de 12 centimètres. C'est ça. C'est ça. Mais pendant qu'eux font ces recherches-là, il y a d'autres recherches qui se font en Australie, à Melbourne. C'est des recherches faites par Gabrielle Bells et Eliza Hall du Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research à Melbourne. Et eux, vraiment, vont se concentrer sur les cellules lymphoïdes innées. Qu'est-ce que la cellule lymphoïde innée? Eh bien, il faut savoir que parmi leurs fonctions, l'accent est vraiment mis sur le rôle des cellules dans l'immunité muqueuse et en particulier dans le contrôle par la flore intestinale de la réponse immunitaire. OK? Donc là, c'est vraiment des titres vraiment très, très longs. J'ai l'impression d'être sur Wikipédia, c'est quand tu cliques sur des liens, dans des liens, dans des articles, ouais. Quand tu es comme dans une parenthèse, de parenthèse. Ben presque. Ouais. Mais parce qu'il faut savoir que pour découvrir à quoi ça sert, cette fameuse appendice-là, il faut aller justement creuser voilà. Jusque dans les cellules. Et en fait, ces cellules-là, des lymphoïdes innées, il y en a plusieurs groupes. Et ce qui vient vraiment rentrer en ligne de compte avec l'appendice, ce qui nous intéresse, c'est la ILC de groupe 3. Donc, eux appellent ça la ILC parce que c'est en anglais, là, c'est à l'envers. Mais c'est la cellule lymphoïde innée 3. Okay. Et c'est vraiment celle-là qui va venir rentrer en ligne de compte avec l'appendice. Qu'est-ce que ça fait, en fait? Bien, c'est que leur étude était d'étudier vraiment les cellules lymphoïdes dans l'intestin. Là, sachez qu'ils l'ont fait sur des souris. Là, ils l'ont pas fait sur des humains immédiatement. Pour l'instant, oui. Et comment est-ce que ça pourrait contribuer à la fonction et à la protection de l'intestin? Au début, ils se sont pas vraiment attardés à l'appendice. Ils voulaient vraiment savoir qu'est-ce que ça allait faire avec l'intestin. Un petit peu comme nos deux chercheurs aux États-Unis qui se consacraient vraiment au biofilm, c'est-à-dire à la muqueuse alentour de l'intestin. Et il faut savoir que l'appendice n'est pas nécessaire pour les fonctions digestives chez l'humain. Il y a une des chercheuses qui dit que d'immobiliser les bactéries symbiotiques proposées par les deux chercheurs aux États-Unis. Donc, ils font deux recherches différentes, mais ils se rejoignent sur plusieurs dires par rapport à cette étude-là. Et bien que c'est très important pour la santé globale de l'intestin et l'appendice, mais en particulier lorsqu'on obtient une infection intestinale qui entraîne la diarrhée. Ah, OK. Donc, l'appendice, en fait, serait vraiment relié à notre système immunitaire et digestif de l'intestin. Donc, si tu l'as pas, ça fait quoi? Ça fait que t'as peut-être plus de diarrhée. OK. Ça fait que t'as peut-être plus de facilité à avoir des problèmes intestinaux. Ah, des crampes, peut-être? Des crampes, ouais. Des bactéries intestinales, mm-hmm. ça se voit là, assez couramment. Quand tu vas simplement avoir mal au ventre, pas filer, mm-hmm. ça peut être dû au fait que t'as pas d'appendice. Ah ben, un jour ben peut-être que tu pourrais t'en faire imprimer une avec une imprimante 3D. Hein? Ben, tu pourrais peut-être. Faire greffer une appendice. Ah, j'y ai jamais pensé, mais maintenant que tu le dis... il faut savoir qu'il y a une façon de changer cette espèce d'infection-là que vous allez peut-être avoir si jamais vous n'avez pas votre appendice. Mm-hmm. Bien évidemment, en fait, la première chose à considérer, c'est que si vous avez une inflammation de l'appendice, en théorie, à la place de vous dire que vous devez vous faire enlever l'appendice, ce qui pourrait arriver, c'est que l'on vous donne des antibiotiques. Parce que, bien évidemment, à la suite de cette étude-là, on se rend compte que peut-être que ça serait bien de la garder. Essayons, hein? Faisons notre possible pour la garder. Ouais. Essayons de la garder, ça va peut-être réduire les risques d'infection, merci, d'infestion, d'infection. Mais aussi, comme je le disais, de donner des antibiotiques qui peuvent être utilisés pour essayer de calmer l'inflammation. Et là, il y a de l'appendice. Et un appendice sain, donc en bonne santé, peut-être aider à garder votre intestin microbiome équilibré. Okay. Donc, en fait, si vraiment vous gardez une bonne santé, quoi, t'sais, que ce soit votre intestin, que ce soit votre appendice ou que ce soit votre alimentation, vous allez voir, ça va vraiment garder votre intestin équilibré et la muqueuse autour va rester en bonne santé aussi. Ce qui aiderait du côté, si jamais vous n'avez plus votre appendice, à vraiment garder cette fonctionnalité-là qui est de je veux pas dire garder, mais de sauver peut-être les dégâts que vous pourriez faire à votre intestin avec les infections. Donc, elles ont mené des recherches avant qui montrent que le régime alimentaire, en particulier tout ce qui est vert, les légumes et les légumes crucifères, donc ça, je pense que c'est les légumes crus, tout simplement. Okay. ça peut aider à produire des communautés qui vont vraiment venir aider l'appendice à garder cette espèce de fonctionnalité-là qu'elle a d'aider votre muqueuse autour de votre intestin. Et, en plus de ça, il y a plus d'études qui peuvent aussi aider à comprendre comment ça joue un rôle dans les maladies d'allergie. Ah. Comme exemple, l'asthme, la maladie inflammatoire de l'intestin et le psoriasis. Je savais pas, mais l'appendice pourrait vraiment aller aider avec le psoriasis. Pourtant, moi, j'ai encore mon appendice et je fais du psoriasis. Mais bon. Et elle dit que tout semble probable que l'appendice est une partie intégrante du système immunitaire. Donc, il faudrait, dans le futur, arrêter de devoir aller enlever l'appendice, mais vraiment d'y aller de façon plus... Je veux pas dire sauvegarde, là, mais d'y aller vraiment de façon à conserver cet appendice-là, ce petit bout d'intestin, mm-hmm. et vraiment d'y aller avec des antibiotiques. Par contre, bien sûr, c'est sûr que ça va arriver que parfois, votre appendice va être tellement enflé que les antibiotiques vont pas nécessairement avoir un résultat, mm-hmm. un effet qui va faire en sorte que votre appendice va être correct par la suite. Ça peut engendrer une péritonite. OK. Qu'est-ce qu'une péritonite? En effet. C'est un état très critique pour votre système, sachez-le. En fait, c'est si l'appendice est infecté et n'est pas retiré ou n'est pas vraiment traité, comme exemple avec des antibiotiques comme on vient de découvrir, il peut se perforer ou éclater. Mm. Ce qui fait, par la suite, une très grosse infection de votre système immunitaire et votre système digestif. Et c'est là vraiment que ça va venir mettre en danger. En péril, ouais. Je veux pas y aller de façon grossière, mais ça peut mettre en péril votre vie, sachez-le. Ouais. Parce qu'une infection du système à l'intérieur, c'est très, très difficile. Et il y a des gens aussi, il y a des médecins qui le disent, faut pas que ça éclate un appendice. Là. Si ça éclate, t'as pas beaucoup de temps avant de te la faire enlever, avant de décéder. Wow! Donc, parce que ça vient vraiment attaquer tout le système en même temps, parce que c'est l'intestin qui ouvre, en fait. L'appendice, c'est un des bouts de l'intestin. Donc, si ça perfore, si ça éclate, ben c'est vos intestins qui se vident dans votre propre système. Sachez-le. Mm. Donc, de ce côté-là, une péritonite, c'est vraiment... tu sais, attendez pas trop longtemps, là. Tu sais, on dit souvent qu'il faut pas engorger les hôpitaux puis tout ça. Par contre, si vous voyez que Vous aviez vraiment mal dans ce coin-là. Si vous voyez que vous êtes enflé, si vous avez de la difficulté, si vous avez toujours mal au cœur, si vous avez toujours envie d'aller faire pipi, mais ça presse, là. C'est vraiment là, immédiatement. C'est que probablement votre appendice, elle est très enflée et qu'elle fait une pression sur vos reins. Ouf. Donc, de ce côté-là, attendez pas trop, parce que ça se peut que vous arriviez à l'hôpital, puis tout de suite, bing, bang, on va vous dire, OK, ben on n'attend pas, on vous enlève l'appendice. Parce ouais. que, en temps normal, c'est à ce moment-là, malheureusement, qu'on va se rendre compte qu'on a un problème d'appendice. Sinon, il n'y a pas, tu sais, il n'y a pas vraiment de signes avant-gardistes qui vont vous faire réaliser que vous devriez peut-être aller chercher des antibiotiques pour l'appendice. C'est sûr que chez les enfants et les adolescents, les symptômes sont des douleurs abdominales, de la fièvre, des vomissements. Donc, de ce côté-là, c'est des ça. Symptômes de bien des choses. Ben, ça, c'est ouais. ça. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Par contre, la douleur va se faire ressentir bien souvent en plein milieu de l'abdomen, autour du nombril. Okay. C'est ça ce qui peut vous donner vraiment un indice, c'est que si jamais vous avez... Tu sais, pour une fille, c'est difficile. Pour une adolescente, c'est très difficile. Ils ont déjà des crampes. Ben, ouais. c'est... Tu sais, quand tu commences à, mettons, avoir des menstruations, ça se joue autour du nombril ouais. aussi, bien souvent. Alors, de savoir que ton appendice est enflé, c'est peut-être difficile de ce côté-là. Mais si vous y allez vraiment, vous avez des vomissements, puis tout ça, ben prenez pas de chance. Vous allez voir aussi, votre abdomen va gonfler. Vous allez vraiment... Puis, bien souvent, c'est que ça va être dur là, quand vous allez toucher à votre abdomen. Donc, allez-y avec ces symptômes-là. Puis, ce sont de bons indices, hein, comme on dit. des... on dit ça. Ben oui, des bons appendices. Vraiment, aussi, comme je le disais, légumes verts. Essayez d'avoir une alimentation vraiment saine pour pouvoir aider votre appendice à rester en santé. Et justement, tantôt, t'as parlé de légumes, t'as parlé de crucifères, oui. t'as demandé, bon, ça doit être des légumes crus. Veux-tu que je te dise ce que c'est? Oui, vas-y. C'est des fleurs oui. qui ont les pétales disposés en forme de croix, okay. comme le cresson et le chou. Ah, une ouais. plante crucifère. Ça vient en fait du latin. Okay. Crucifère, qui porte une croix. Mm-hmm. Crux, pour croix, et ferro, pour porter. Ah, oh, ouais, je savais pas. Ouais. Donc, les fleurs ont les pétales disposés en forme de croix. Voilà. Et ben. C'est quand même bien. Ouais. Sachez que si jamais vous devez vous faire enlever l'appendice, mais ça va seulement durer 2-3 jours à l'hôpital. Pas l'opération, là, mais vous allez rester... Puis il n'y a pas de crème glacée, ça c'est les amygdales. Ça c'est les amygdales, ouais. Peux-tu quand même manger de la crème glacée? Oui. Mais okay. ben oui, t'es malade, t'as le droit de faire ah bon? Ce que tu veux. OK. OK. J'ai besoin d'une raison. Mais sachez qu'en temps normal, votre appendice a maintenant... une fonction dans oui. votre système. Elle est vraiment là pour conserver la muqueuse autour de votre intestin et de votre système à rester sain et à pas trop avoir de bactéries puis tout ça. Donc, gardez en tête que avoir une bonne alimentation, ça va peut-être aider à échapper au fait de subir une ablation de l'appendice. Voilà. Prenez soin de vous. C'est ça. C'est ce qu'il faut. Une petite chanson pour se quitter, d'ailleurs. Ben oui, une petite chanson. Pourquoi pas écouter du Eminem avec Dr. Dre, I Need a Doctor. Assemblage requis. I'm about to lose my mind. You've been gone for so long. I'm running out of time. I need a doctor. Call me a doctor. I need a doctor. Doctor. To bring me back to life. I told the world one day I would pay it back. Say it on tape and lay it, record it so that one day I can play it back. But I don't even know if I believe it when I'm saying that. Y'all starting to creep and every day is just so gray and black. Hope I just need a ray of that. Cause no one sees my vision when I play it for them. They just say it's whack. But they don't know what dope is. And I don't know if I was awake or asleep when I wrote. All I know is, you came to me when I was at my lowest. You picked me up, breathing life in me. I owe my life to you, before the life of me. I don't see why you don't see like I do. But it just dawned on me, you lost a son. Tina's hurting you, it's dark. Let me turn on the lights and brighten me, enlighten you. I don't think you realize what you mean to me. Not the slightest clue, cause me and you were like a crew. I was like your sidekick, you won't either wanna fight. When I get off this fucking mic, or you gon' haunt me. But I'm out of options, there's nothing else I can do. Cause I'm about to lose. Call me a doctor. I need a doctor. Doctor. feels like a lifetime ago. But I still remember the shit like it was just yesterday, though. You walked in, yellow jumpsuit, whole room, crack jokes. Once you got inside the booth, told you, like smoke with the friends. Some of them I put on, but they just left. They said they was riding to the death. But where the fuck are they now? Now that I need them, I don't see none of them. All I see is Slim. Fuck all you fair weather friends, all I need is him. Fucking backstabbers, when the chips were down, you just laughed at us. Now you about to feel the fucking wrath of aftermath, faggots. You gon' see us in our lab jackets and ask where the fuck we been. You can kiss my indecisive ass, crack maggots and the crackers ass. Lil' Cracker Jack, making whack ass backwards producers, I'm back bastards. One more CD and then I'm packing up my bags. And as I'm leaving, I guarantee they'll scream, Trey, don't leave us like that, man. Cause I'm about to I need a doctor, Eminem. Mm-hmm. Et on est de retour à la surface. Désolé pour le son de sous-marin. Mais non, mais c'est un remix. Un remix sous-marin. Oui, ben voilà. Oui. Subway mix. Exactement. Merci, Tania. Ça fait plaisir. It's gonna be Tania tous les matins de semaine à Assemblage Requis. Uh-huh. Nous, c'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Malheureusement, ça passait encore super vite aujourd'hui. Ouais, quand c'est on a vrai. Du monde, le fun comme ça. Jimmy Thibodeau, qu'on remercie, qui était là pour sa chronique C'est dans le monde que ça se passe. Et Gabriel Béhoud pour Dans les coulisses de la Luître. Demain, l'émission sera mercredi. Et on va avoir Sébastien F. Guertin, bien sûr, à 8h pour la chronique Bulletin Guertin, où on va parler d'actualité internationale. Et à 8h30, Frédéric Bernard avec Google Globe, qui lui se renseigne sur Internet. Sur nos ondes, plus tard aujourd'hui, à 11h, c'est Dit Con avec Dany Janvier, qui joint l'inutile à l'agréable. Ensuite, à 13h, Rock de Neurones. À 15h, nous serons de retour, toi et moi, pour les Pamarins C'est Fou. Oui. À 19h, réanimation avec du métal et de l'horreur, cif.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusions. Merci, Tania Baudin. Bien, merci à toi, M. Plante. On se retrouve demain à 6h30. Oui. Une autre belle partie de le fun de plaisir. On espère. Faut pas dire fun de quelque chose, c'est copyright à une autre station, ça. Ouais. Bye. Bye, bon café. Un petit peu de yogourt. Ah oui, pourquoi pas. Un petit muffin au caramel. Ouais. Miam.